Difunto. Salón. 4-1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit tous les chroniqueurs de la saison 2009. Plein air, politique, mythes du rock, culture populaire, humour, sortie nouvelle et musique. Et Assemblage requis, ça commence tout de suite. Ah, bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées, en compagnie, comme d'habitude, de Mathieu Plante et Kiwan. Mais exceptionnellement aujourd'hui, vu que c'est une émission spéciale, on a aussi plein d'invités. Oui, et l'émission commence avec au moins deux présences en ce moment. Là. Émilie Gauthier avec sa chronique plein air plus tard. De quoi tu vas nous parler, Émilie, tantôt? Un petit peu des endroits d'activités plein air que vous pouvez retourner pendant toutes les vacances, là. Des endroits pas trop redondants, qu'il y a plusieurs pistes disponibles, il y a de la neige, donc c'est le temps de faire de la raquette du ski de fond. Ah! Donc plus tard, évidemment, tout le monde va participer dans les chroniques de tout le monde. Philippe Antailleur, rédacteur en chef du journal Zone Campus, est aussi en studio en ce moment même. Bonjour, bonjour, cher Philippe. Bonjour, messieurs, dames. Tu vas bien? Toujours. Oui, tu vas nous parler du numéro en cours, entre autres la FEUC, surtout. Non, du tout. Du tout, pas de FEUC là-dedans. On a assez parlé de ça, de la FUC. Simon Fitzbé va aussi être là, lui qui se tape tellement de radio en ce moment. Cet homme extraordinaire, il est barbu, il est viril, il porte un superbe foulard, ma foi. Et il va faire sa chronique sur les mythes du rock'n'roll tout à l'heure. Paul is dead. Est-ce que tu veux te risquer à nous annoncer quelques petits sujets de tes chroniques express que tu vas faire entre les chroniques des autres? Oui, en fait, je vais faire la chronique du fameux film sur les radios pirates qui avait inspiré ma chronique sur les radios pirates il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je vais aussi vous parler de Phil Collins et de certains mythes qui se déroulent lors des spectacles d'artistes. Ah! Bon, ça va être tantôt ça avec Simon Fitzbé. Nous, Kiwan, on commence en musique déjà en force. Ben oui, on peut peut-être dire aussi que les autres, on vient nous rejoindre, oui. Hein, parce que on a plus de chroniqueurs que ça. Il va y avoir Sébastien Dulude qui va arriver sous peu. Je l'ai vu tantôt, je l'ai croisé, il devrait arriver, ce sera pas long. Et puis Maxime qui lui a dit qu'il nous rejoindrait au courant de l'émission, on sait pas trop quand, mais bon, bref, tout le monde va être là tout à l'heure. Oui, on va aussi recevoir François Landry pour parler politique aujourd'hui. Oui, on devrait. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, mais il va être ici ce soir. On va aussi avoir une chronique de Martin Bertrand sur Noël dans ses petites mythologies. On va avoir une présence de Vidon à la question et ça va être une grosse, grosse émission, je pense. Oui, sans oublier la présence exceptionnelle aujourd'hui de ma voix old school. Oui, t'as l'air vintage. 92. C'est malade, j'adore le son. Parle encore un peu, je veux t'entendre. C'est vraiment génial, c'est bon, hein, une voix comme ça, ouais. Ouh. Je sais pas si vraiment dans le son de la radio ça paraît. Je pense que les gens s'en rendent pas vraiment compte, mais. Sûrement pas. C'est hallucinant. C'est pas grave, on va commencer par la formation The Almost, tout le monde, hein. C'est une pièce qui est très, je dirais, rassembleuse. Parce qu'elle a un son très, très bon. Très catchy, voici The Almost avec Hans. Vous êtes à Assemblage requis. Au 89.1 FM. C'est fou. Yeah. sorcière, l'étrange errant, cherche à refuge chez l'homme. Non, je n'ai rien de vos enfants, mais laissez-moi faire semblant. Oh, à toute la naïveté du ciel. Méfie-toi, Méphisto. J'aimerais ça, quand on revient d'un bloc musical, j'aimerais ça que tout le monde applaudisse comme s'il y avait vraiment des gradins, tu sais. C'est nécessaire. Merci. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, tout à fait, même qu'on est accompagné de presque tous nos chroniqueurs présentement. Oui, une grosse partie. Sébastien Dulup qui vient d'arriver. Oui, on est assemblés. Oui, tout ça. Enfin, enfin assemblés. C'était ça le nom de l'émission que ça voulait dire. Ouais. Sébastien, avec sa chronique, va voir hier si j'y suis sur les sorties culturelles alternatives. Tu vas faire ça tantôt? Ouais, un petit morceau par-ci par-là. Ah ouais! Bien. Avant de commencer ça, avant d'intégrer vraiment tout le monde avec des chroniques en tant que telles, je pense qu'on mérite encore un petit bloc musical. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on le mérite? Tu penses? Moi, je pense. Si tu penses qu'on le mérite, on peut faire ça. On va mettre une pièce. Une seule? De Band of Skulls. Est-ce qu'on peut appeler ça un bloc si c'est juste une pièce? Une bloquette. OK. Bon. Dans un jeu de Tetris, tu peux avoir des blocs. T'sais. Ça s'intègre bien, ça fait comme un assemblage à la fin, quand on y pense. Assemblage. On écoute Band of Scars avec I Know What I Am, et juste après, on va trouver une chronique. On va établir un ordre dans tout ça. Parfait. D'accord. Band of Scars, tout de suite, à Assemblage Requis. Escape, and I know what I am. They know what they are, so let me be.

was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling. Faces first, just go sleep. Turn the wider shade off. Donc, la pièce White Shade of Pale, qui est tirée, en fait, qui est du groupe Procol Harum, qui est tirée de la trame sonore de The Boat That Rocked. Comme je disais, un film moyen, mais une très très bonne trame sonore pour les amateurs du vieux rock des années 60. Moi, en fait, j'ai bien aimé. En plus, je suis dans ma période là, où je redécouvre cette musique. Donc, je trippe. Ah, c'est cool de voir ça. Simon Fitzbé avec ta chronique Paul is Dead. Il y en aura une autre plus tard, comme on dit. Oui, on va en faire une autre. Au moins une. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, tout à fait. On est en compagnie de tout le monde qui ont participé cet automne à l'émission. Et là, qu'est-ce qu'on fait tout de suite là? Ben, ce serait le temps de parler un petit peu de culture avec Sébastien Duluth. Voici « Va voir ailleurs si j'y suis ». Il y a juste Simon puis moi qui danse un petit peu, qui se fait... Ah oui, non, je sens la perplexité là chez les co-chroniqueurs. Je connaissais même pas le thème de Sébastien, mais je suis tout le temps en cours. Moi, c'est le mercredi, tu fais ta chronique. Ouais. Je suis tout le temps en cours habituellement dans ce temps-là. Donc, c'est la première fois, c'est une première. C'est Ella Kelaiset, c'est du Oompa, qui est de la musique traditionnelle allemande, genre Oktoberfest. Okay. Ouais, mais c'est un groupe norvégien de Oompa qui font des reprises. Là, c'était Batman. Ah, Oompa cool. Norvégien. Mais si tu ne me l'avais pas dit que c'était Batman, je suis pas sûr que je l'aurais reconnu. Donc, Batman en norvégien égale Oompa? Ouais, via le Oompa. Mais tu sais, il peut y avoir aussi du Midnight Oil australien à Oompa norvégien. C'est un excellent groupe. Ella Kelly, je pense qu'on tape Oompa dans toutes les orthographes et on tombe là-dessus. Ah, ben c'est génial. On va aller faire un tour voir. Et culture, tu disais, bon, sortie culturelle, c'est un bien grand mot pour la petite suggestion que j'ai à vous passer, mais c'est juste pour toi, Mathieu. Parce que je sais que tu es un grand fan, mais sûrement que tu n'es pas le seul ici aussi en studio. Mais John Lajoie est en spectacle à Québec. Oui. John Lajoie. Alors ça doit être assez intéressant. Je pense que c'est là il commence vraiment à avoir assez de matériel pour tout ça. Et là, j'imagine qu'il va conceptualiser le show en fonction de ça. Et on n'a pas beaucoup de détails. Je ne suis pas allé voir sur son site non plus. Je ne suis pas un grand fan, je dois dire. Je le trouve vulgaire. OK. Évidemment. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a une certaine limite de ce que je peux trouver drôle. Mais il y a le tour. Et John Lajoie, donc peut-être même, Mathieu, tu pourrais nous en parler un peu. Je ne vais pas te prendre au dépourvu. Moyennement, c'est une vedette d'Internet. Tout le monde a au moins vu une chose qu'il a fait. Là, mais c'est genre des vidéoclips drôles. Ouais. Vulgaire. C'est un anglophone, mais de Montréal. Oui, c'est ça. Parle bien français. Moi, je connais bien John Lajoie. Bon. En fait, j'ai écouté pratiquement tout ce qu'il a fait. Et en fait, il jouait aussi dans l'Auberge Chien Noir jusqu'à tout récemment. Là, c'est un fait. Lundi. C'est assez bizarre, un gros changement dans sa carrière. Il fait quand même des spectacles depuis peut-être 2-3 ans, justement, avec son matériel, mais ça a vraiment grandi. Et justement, oui, il y a des arrangements scéniques assez cool. En fait, ses personnages viennent chanter leurs chansons, donc le MC Vagina Guy, un terme technique et musical, ouais, t'as c'est le droit, ça, exactement. Donc, le type va chanter ses chansons, et c'est vraiment génial. Il n'y a pas vraiment de numéro comique, c'est plutôt les chansons. Moi, je trouve qu'il y a un sens mélodique quand même assez bien pour faire de la chanson. Sens pop, du pastiche aussi. Ouais, vraiment, il est capable de faire des bonnes petites choses. Alors, il est à Québec, une belle salle, l'Impériale, sur Saint-Joseph, là, Mont-Saint-Roch, dans le bas de la basse ville de Québec. Et ça, c'est le 12 janvier à 19h. Les billets, c'est pas trop cher, 20$. Et c'est vraiment, vraiment pas cher. Ouais. Quand même. Et voilà, Québec. Et John Lajoie est invité. Et ça, c'est sur Billettech, mais évidemment. John Lajoie, J-O-N, Lajoie. Et je viens de faire un lien avec l'Auberge Chien Noir et le fait que je l'avais vu une fois en entrevue à France Baudouin, bon baiser de... De France, bien sûr. De France, ah voilà, bien, oui. Trop simple pour s'en souvenir. Et parce que, elle, Vincent Gratton, l'Auberge Chien Noir... Ah c'est vrai, oui, il y a un lien à faire avec et ça. J'écoute pas ça, là. Non, mais t'es au courant, bon. c'est pour dire j'écoute que c'est vraiment gros. Pas ça, ni 4 et demi, ni rumeur. 4,5! Voilà. Wow! 4,5! Ça... Ouais. Sébastien, 4,5, c'est terminé depuis environ 7 ans. Ah! Les années 90. Ils ont fermé la clinique. Ils ont tué le chien, ça. Non, ils ont ouvert une nouvelle clinique à la fin, en fait. Ma mère écoutait ça. Ah. Donc, ils ont ouvert une nouvelle clinique. Ben, et c'était elle trouve d'autres choses, ma mère. C'est pas crédible. Ça, tu sais. OK, bon, je l'écoutais. T'as le droit là, d'aimer ça. Je l'écoutais, c'est il y a 7 ans, donc j'étais jeune, j'avais 18 ans. Okay, mais c'est sorti sur DVD. Tu pardonnes, oui. Ah oui, c'est sorti sur DVD. Saison 1 sur DVD, j'ai vu ça, j'étais surpris. Bon. Saison 1 de 4,5. Oui. Je vais l'acheter en cadeau de Noël à ma mère. Il y avait une bonne raison d'écouter 4,5, c'est Catherine Trudeau. Ah! La technicienne animalière rousse, qui est une grande actrice maintenant. Oui. Au début, c'était ça, c'était alimentaire, mais c'est une superbe actrice aujourd'hui. Et bon. Donc, c'était suggestion, il y en aura d'autres plus tard, c'est bien ça? Ben oui, c'est une petite cookie, là. Chacun y va comme ça, là, à la volée, là, sans les avertir d'avance. Comme des sushis. Ah, tu choisis ta sorte? Un par un. Eh ben, c'est comme pas mal toute la bouffe d'habitude, c'est rare que tu manges comme plusieurs affaires en même temps. Ouais, des frites. Des frites. C'est vrai que des frites, c'est très bon ensemble. donc, une petite pièce, puis on vient après, on va faire au hasard. Je vais vous le demander qui veut parler, puis vous parlerez quand vous avez envie de parler. D'accord? Kiwan? Oui. On retourne en musique. On va aller écouter Gregory Pepper. C'est un vieux classique de l'année 2009. Hein? Vous le savez, on aime en passer. C'est la fin de l'année, des affaires qu'on aime. C'est pas si vieux, je pense. Ça fait quelques semaines, quelques mois, pas plus. Ouais, c'est pas des semaines, Kiwan. Je veux pas longtemps. Je veux pas te reprendre. C'est vrai que ça fait un mois et demi que je suis arrêté, moi. Fait que j'ai comme perdu le compte un peu. Là. C'est ça, c'est... C'est ça. C'est tes médicaments. C'est ça. Pour le dos. Ouais. Bon. Ah ouais, c'est le genre de Gregory Pepper. Assemblage requis. Où ça? Ben, dis au 89.1 FM. Au 89.1 FM, certain. Faut tout dire. Encore un peu d'applaudissements. Allez. Faut tout leur dire. Never. au char. 89-1-1. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Merci, bon. Toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Kiwan. Oui. Mathieu. Mathieu, on est en compagnie de Émilie Gauthier, Philippe Antaya, Sébastien Dulude, Simon Fitzboy et Maxime Lemieux-Laramé qui vient juste d'arriver. Ben oui, Maxime, prends le micro et parle-nous. Hein? Salut. Bon, hey, c'est le seul que j'avais pour ouvert. Salut. Salut, ça va? Professionnalisme extrême. Oui, ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Là. De quoi tu vas nous... Ben, ça va très bien, là. Ça, t'as vraiment un accent. Sérieux? Particulier. Ça va super bien, là. Genre full style comme genre, là. Non, ben là, je voulais parler de plein de trucs, dont Band of Skulls, que vous avez fait jouer déjà. On en refera jouer tantôt. Ben, c'est ça. Bon, c'est quand vrai. C'est bon, on le fait jouer deux fois. Ben, c'est ça. Quand c'est bon, on ravance sa chaise puis ça sonne super gros en ondes. C'est vrai? Comme ça, ben, c'est ça. C'est pas grave, gars, moi, je fais ça à la table. C'est super la fin, non? Ouais. Ben, d'autres effets sonores, Kiwan? T'as bougé ton pied de micro? Ouais. OK. On pourrait-tu bouger un clavier puis une souris aussi? Malade. C'était fou, genre. On a débloqué le budget aujourd'hui pour les effets spéciaux. Il manquerait juste quelqu'un qui allume son ordinateur, mais ça va tout allumer, malheureusement. On devrait tous chanter en chœur la chanson quand on ouvre un PC, mettons. C'est quoi, donc? Moi, je peux pas. Quand c'est genre des tambours. Quand on ouvre un PC... C'était-tu plus pertinent que ça avant que j'arrive? Pas vraiment, non. Okay. C'est un peu n'importe quoi finalement aujourd'hui. Parce qu'on vous le rappelle, à Assemblage Requis aujourd'hui, on reçoit tous les chroniqueurs de la session d'automne, tous en même temps, dans un beau petit bateau comme ça ici, on vague sur un... C'est vogue, n'importe vogue. Quoi parce que c'est en pièces détachées. Ben qu'un! Hein? Faut bien qu'il serve à quelque chose ce petit nom d'émission-là. Hein? Bon. Kiwan? Oui. Bon. On va se passer une autre pièce. Ok. Puis on revient avec une chronique. C'est vrai, là. Ça s'en vient. Et qu'est-ce qu'on va écouter tout de suite? Sparrow Beach. Sparrow Beach. Avec un Mego Round et The Mania. Assemblage Requis. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Non? Ouais. Tout le monde est d'accord? Non. Tout le monde dit rien, par exemple. Il y a comme pas vraiment l'air d'avoir tant de monde que ça dans le studio. Yeah! Ouais, yeah! Ouais, yeah. Ouais. Sinon, à la radio, ça paraît pas que plein de monde. Plein de monde! Broken bottles round the neck, do a wild dance for me. All my feet unstepped, I hit the ground and fell. C'est vraiment un délai, hein. Sparrow Beach! Sparrow Beach! Sparrow Beach! Sparrow Beach! Hey, j'ai une idée pour savoir qui est-ce qui fait sa chronique. On devrait faire des battles royales, tu sais. Okay. On se bat tout en même temps, puis la personne qui reste debout fait sa chronique. Ah, ok, ben allez-y. Ok, mais là, pas le droit au crayon, pas le droit au tout ce qui est coupant, rien. Non, je voulais utiliser des CD comme des. Comme des ninjas. Ouais. Ouais, ça a été cool, ça. Je suis pas capable de faire l'effet. Une étoile de ninja. C'était pas loin. Sébastien, ça. En a un. Les Cherouken, en fait. Hein. Oh! Oh! Oh! Ouais, vraiment. Les ben, une étoile ninja. C'est ça. C'est bon. Émilie Gauthier, qui est celle qui parle le moins aujourd'hui, il me semble. Tu parles pas beaucoup, Émilie. Il parle un peu, là. Donnez-lui un micro, elle va parler. Ben, c'est ça. Ben, rapproche-toi du micro, hein. Ben, allô? Allô? Est-ce que ça te tente de parler un petit peu de plein air? Ben, je pourrais. Parce que là, c'est, tout le monde est en même temps dans le même studio. Là, on a un tout petit studio et tout le monde est dedans. Et Émilie en fait partie. Justement, parlant de plein air, on en prendrait un petit peu. Ah! Ça commence à faire chaud un peu. Voici la chronique plein air d'Émilie Gauthier. Elle fait un petit peu moins danser les gens, celle-là. Non? Il y en a qui se font hocher la tête. Ah, Simon se met à danser. Parfait. Manque de caméra pour vous montrer ça. C'est très séduisant. On en a une en haut, là-bas. Faudrait la plugger sur Internet. Faudrait bien. Émilie? Ben oui. Salut. Ben allô. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique plein air, dis-moi? Ben, c'est des endroits où j'ai déjà parlé, mais c'était plus en automne pour la randonnée. Mais là, étant donné qu'il y a de la neige maintenant, la saison de ski de fond et de raquettes est ouverte. Donc, oui. Et là, maintenant que vous savez comment acheter des raquettes et comment acheter des skis... Ben, maintenant que vous savez quel équipement il faut pour du ski de fond et de la raquette, ben c'est le temps. Puis si vous n'avez pas encore entendu ces chroniques-là, elles sont sur le cif.ca, hein, Kiwan? Oui, tout à fait. Bon, il a dit sa phrase. Sur le assemblagerequis.com, même. Point com. Hein? Hein? Assemblagerequis.com. Ben non, j'avais pas prévu que t'allais dire deux affaires. Je t'en laisse une troisième, après ça, c'est tout. Non, c'est parce que je voudrais pas défoncer à la fin dans l'émission de Sébastien à 6h. J'avoue. Hein. Donc, Émilie, reparlons de choses dont on a déjà parlé, mais avec de nouveaux angles, c'est ça? Oui. Ben, c'est quatre sites. Donc, le premier, c'est le parc des chutes de Sainte-Ursule. C'est un endroit qui est à peu près qui est 30-40 minutes de l'université environ. Il y a 7,2 km de sentiers de ski de fond et 2,3 km de sentiers entretenus pour la raquette. Donc, c'est un petit endroit pas trop compliqué où est-ce qu'on peut faire un peu de toutes les sortes de raquettes. On peut, c'est sûr, on peut sortir hors piste en raquette si on veut. Donc, ça peut être plus long, mais à porter une boussole, perdez-vous pas. Ou votre iPhone, hein, parce qu'il y a une boussole, le nouveau modèle. Ah, je savais pas. C'est vrai. Il n'y a pas des membres de Malajube qui a une maison à Sainte-Ursule, je lance la question comme dans ça. Dans ce coin-là. Ouais. Ouais. Proche de la chute. Là, bon, allez vous perdre, puis allez cogner chez eux. C'est ça. Tu allais peut-être trouver Malajube, peut-être. Peut-être. Tu sais qu'il va avoir une tarte pour vous, comme dans les films, tu sais, quand quelqu'un se perd en forêt, trouve une maison, il y a une tarte sur le bord de la fenêtre. Un gros Saint-Bernard. Ouais. Un gros Saint-Bernard avec un peu de brandy dans le cou. Là. Ouais. Avec le petit tonneau. Un tonneau. Moi, j'avais une question. Tu sais, si par exemple, on va faire du hors-piste, est-ce qu'on peut se faire retirer notre carte de racketeur? Comme un peu comme avec le ski alpin, si on fait du hors-piste en raquette? Je pense qu'il n'y a pas de carte de racketeur. Je veux pas te péter ta bulle, là, mais je m'excuse. Okay, ben, tu veux dire que la carte de racketeur que j'ai achetée pour 1000$ est pas. Ah, moi, je pense que la personne qui t'a vendu ça, là, c'est un racket. Ah ben. Merci, merci. Un racket. Ah ben, c'est là les applaudissements, ça que je demande. Donc, Sainte-Ursule, oui. Sainte-Ursule, il y a de la location de raquettes pour les adultes et les enfants disponibles. Ce qu'ils te font, par exemple, il faut apporter notre propre équipement. Puis on peut aussi louer un chalet pour la nuit sur place. Un chalet? Oui. Un chalet suisse? Ben, je sais pas. Tu peux manger du fromage suisse si tu veux, mais... Des roulés suisses. Ah, c'est ou bon, des ça! Des roulés suisses dans un petit chocolat chaud. Très bon, par exemple, ouais. L'entrée, c'est de 5,50$ par adulte. Une location de raquettes, c'est de 5$ par heure ou de 15$ pour la journée. Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Puis comme je dis, c'est 30-40 minutes de l'université. Pas si pire. Pas si pire. L'île Saint-Quentin, c'est aussi très proche. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est 10 minutes, l'île Saint-Quentin? Mm-hmm. Ben, ça commence juste le 26 décembre, l'ouverture officielle des sentiers de ski de fond, de randonnée puis de raquettes. Je sais pas si on a le droit d'y aller présentement. Je pense que c'est juste fermé au public. Mais c'est ça. Ça l'ouvre le 26 décembre. Il y a 5,8 km de sentiers tapés pour la raquette et 5 km pour le ski de fond. On peut aussi faire de la glissade et du patin à glace. Donc, c'est le temps de sortir notre crazy carpet, rouler en garage qui ne se déroule plus. Puis, on peut aussi louer des patins. Donc, l'entrée est de 4 $ par adulte, le stationnement de 2 $50, ouvert la semaine de 11 à 16h30 et la fin de semaine de 9 à 16h30. Puis, comme je dis, c'est à peu près 10 minutes de route. Vraiment pas loin. L'île Melville, maintenant. Oui, il y a plusieurs activités qui se font. On peut faire du ski de fond, de la raquette, glissade sur tube, ski alpin et planche à neige. Je savais pas que... Je pensais que la plus proche était Vallée du Parc, mais non, il y a là qui est pas trop loin. Il y a 4 pistes pour le ski de fond d'environ 15 km en tout, 3 pistes de 8 km pour la raquette. Il y a une patinoire extérieure qui est disponible. Il y a 5 pentes pour la glissade sur tube, mais c'est juste ouvert les fins de semaine. Puis il y a 6 pistes pour le ski alpin et la planche, disponibles aussi simplement les fins de semaine. La raquette puis le patin, c'est gratuit. Une passe saisonnière pour le ski de fond, c'est 25 $ puis on doit débourser 10 $ par personne pour le ski alpin, la planche et la glissade sur tube. Puis ça se situe environ à 30 km de l'université. Encore une fois, on parle de choses qui sont relativement proches. Ouais, c'est ça. Je voulais pas aller trop loin, puis des endroits qu'on peut retourner sans faire nécessairement la même activité ou sans cette année, étant donné que c'est les fêtes, c'est la dernière chronique plein air. Donc, pas à vie, par contre. Ben non, je reviens. Tu faisais peur au monde, là. Là, le monde est assez nerveux. Elle reviendra pas. Je m'excuse. Bon, fais pas des affaires de même, sérieux. Ok, je leur ferai plus. D'accord. Je parle plus de la chronique, c'est bon. Non, il te reste un sujet. Je parle plus de l'émission d'abord. Arrête. Non. Tu te pars encore une fois, là. Ok. Moi, je prends un nom. Ok, non. Je m'excuse, Mathieu. Kiwan, prends-tu ça, toi? Mais là, on dirait que vous vous chicanez. On est comme mal à l'aise, nous autres, là. Je sais pas. Ouais. Ok, c'est bon, je vais continuer. Vu qu'on vous laisse, non? Parc national de la Mauricie, Émilie, s'il te plaît. Oui, pas beaucoup d'informations sur le site. J'ai été désagréablement surprise. Ça se dit? Ça se dit? On pourrait dire que oui. Ben, agréablement, ça se dit, donc je me dis... En tout cas, plusieurs sentiers disponibles autant pour la raquette que ce qu'ils te font. La carte des sentiers est disponible sur le site web de Parc Canada. C'est pas indiqué sur le site, mais il y a une source fiable qui est ici en studio qui m'a dit que la randonnée n'est pas possible juste en bas, il faut avoir des raquettes. Donc, je ne nommerai pas le nom de cette source, mais voilà. Ouais, non, mais présentement, là, en dehors de la période, je pense que c'est pas commencé encore, la période pour le ski de fond, ou en tout cas, en dehors de la période, ça on peut toujours y aller. Ça commence mi-décembre, pour mal tous les sites, ça commençait comme cette semaine ou la semaine prochaine. Ouais. Merci, source anonyme. Mais en tant que source anonyme qui ne voudrait vraiment pas être nommée pour la prochaine information, je peux vous dire qu'il y a un paquet de façons d'aller au parc de la Mauricie sans que ça soit trop cher. Là. C'est quand même pas très difficile. Là, en passant par l'autre bord avec la cabane. Mais c'est pas moi qui vous a dit ça. Et puis, non, mais c'est parce que les heures d'ouverture sont très courtes, mais sauf qu'il n'y a vraiment aucun contrôle là, sur le parc. Puis, eux-mêmes le savent, là, c'est pas illégal. Puis c'est pas, je suis pas en train de vous encourager dans les crimes, là, mais sérieusement, au parc de la Mauricie, là, c'est quand même assez ouvert. Puis si vous n'y allez pas précisément dans les heures d'ouverture, là, qui sont à peu près de 2 heures dans l'après-midi, ben, c'est payé qu'une banque. Il y a moyen quand même de... d'avoir du plaisir. Ouais, j'ai pas trouvé les heures d'ouverture. J'ai fait le site au complet, j'ai fait d'autres sites web, puis j'ai pas trouvé les heures d'ouverture. C'est ça. Puis il y a plusieurs entrées aussi. Il y a pas des contrôles à chaque entrée du parc. Il y a pas quelqu'un, un employé à chaque entrée. Donc en tout cas, c'est très variable. Je vous dirais d'explorer un peu le parc. Là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Je me suis dit, sur 2 semaines de vacances, si on veut, on peut faire le tour plus qu'une fois sans reprendre les mêmes sentiers ou. Ça, je me suis dit, c'était intéressant. Puis c'est quoi? C'est à peu près 1 heure, bien, tout dépendamment de l'entrée qu'on prend, justement. Fait que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Ben, c'est ouvert tous les jours, par contre. Si on est obligé de prendre des entrées, pour la raquette, c'est 7,80 $ qui est l'entrée normale. Pour le ski de fond, je sais pas pourquoi, mais c'est 9,80 $. J'imagine que l'entretien des sentiers doit être un peu plus dispendieux. Ouais. Puis c'est ça, comme je dis, c'est environ 1 heure, mais ça dépend d'où est-ce qu'on va. C'était pas mal ça pour aujourd'hui. T'as pas de conseils de ma tante ou de vendeuse? Ben, conseil de maman, ben, je l'ai dit plus tôt, là, c'est si vous sortez des sentiers, amenez-vous une boussole parce que ça serait triste si vous perdiez. D'accord. Tu me diras pas comment acheter notre boussole. Si vous avez pas de boussole, vous pouvez toujours aimanter une aiguille que vous mettez dans un bol d'eau. ça va vous donner le nord. Ça se lettrait. Faut juste pas que l'eau gèle, que ça devienne de la glace, parce que là, vous allez être fait. C'est comme une chronique bricolage intégrée en plus. Oui. C'est cool. J'ai été dans les louveteaux longtemps. Je sais, j'ai doublé souvent mes cours de louveteaux. Je te respecte. Je sais pas comment faire avec mes doigts. C'est-tu trois doigts, deux doigts? Non, c'est deux doigts comme le signe de peace. Puis de V aussi, à atterrir. J'ai une question, Simon. Quel était ton totem? Hey, ça n'existait plus quand je suis allé. Oh. Malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir un, par contre. Bon. On sera peut-être dans une autre chronique où quelqu'un viendra nous enseigner ce que serait ton nom. Ouais, il y a peut-être un truc sur Internet. Tu peux avoir ton nom de gangster, ton nom de... Peu importe. On va essayer, voir. Je vais faire une recherche là-dessus. Nom de l'outre. L'outre mélomane. Oh! C'est pas si pire. C'est toujours animal qualificatif. Oui. Ouais. Name it, là. J'aime bien ça. Les Amérindiens faisaient ça aussi, je pense. C'est pas-tu? Ben, des totems. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça vient de là. Les louveteaux, ça vient de là, finalement. Les louveteaux, c'est Baden Powell, qui est une organisation chrétienne de la fin du 19e siècle. Moi aussi, les louveteaux, il n'y a pas de totem. Mais je me souviens que le chef de Cizène, qui était des rangées de six, faisait l'inspection au début. Regardait si on avait les ongles propres et le derrière les oreilles propres. Et ça, j'ai jamais compris le rapport. Parce que après ça, on va dans le bois. Pour se saler. Mais non, il y avait toute une éthique. On jouait au foulard, puis on jouait au soccer. Puis on... Encore ma une mère fois, cousait des petits trucs sur mon chandail. On avait un foulard. On jouait au foulard beaucoup. Au foulard, c'est... Ça me semble que c'est douteux un peu, non? On se pognait les fesses. C'est vrai, les cisaines. Version de la bouteille. Les cisaigniers, les choses comme ça. Là. C'est des choses que je me rappelle. J'ai encore mon équipement de scout chez nous. Aussi. Mon vieux chandail... qui me fait plus, malheureusement. Que j'espère. Vous êtes incroyables, vous deux. Des vrais rock stars. Mm. Prochaine semaine, on vous parle des Jeannettes. OK, donc je vais ramener ça sur le droit chemin. C'est la voix que vous entendez, les voix que vous entendez, c'est pas mal tous les chroniqueurs de la session d'automne ici à Assemblage Requis. On parle d'Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Philippe Antaillard va être là tantôt pour faire le tour du journal Zone Campus. Sébastien Dulude avec sa chronique culturelle va voir si j'y suis, qu'il est parpé pendant l'émission. Simon Fitzbé avec ses mythes du rock'n'roll, ça s'appelle Paul is Dead. Maxime Lemulleramé avec ses suggestions musicales dans Télécharge quoi plus tard. Oui. Présent. Kiwan et Mathieu. Et voilà, Mathieu Plante. Mathieu Plante, on l'a pas nommé encore. Bravo! Merci beaucoup! Parlant de Paul is Dead, je dois dire que ma prochaine chronique sera probablement acerbe parce que là, je suis fâché. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. D'accord. Ben justement, qui veut faire une chronique? Est-ce qu'on en fait une autre tout de suite? Parce que tu sais, le temps avance, on veut que tout le monde rentre dans la même émission. Est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose? Si on tire la courte paille qui... Non, j'ai pas encore tes MP3, toi. Tu peux pas faire moi, ça. Moi, je parle seulement si j'ai ma musique. Ah! Est-ce que t'es en train de me mettre au défi? Philippe, est-ce que tu me mets au défi? Bien, certainement. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? C'est quoi? C'est le rédacteur en chef de quoi déjà? De C'est fou. Non, arrête. Ça part à rien. Quand tu dis C'est fou, il n'y a rien qui part. Zone quoi? Je sais pas, tous en cœur. Zone Campus! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Tu vois, ça a fonctionné. Tout le monde le dit en même temps. Donc, normalement, elle aurait joué 5 fois, mais finalement, elle joue juste une fois. Oh, mon cœur est tout léger maintenant. Ah, ton cœur est une bombe, j'en suis sûr. Oui. Donc, Philippe Antaillard, rédacteur en chef du journal Zone Campus, toujours avec tout le monde de C'est fou et d'Assemblage Requis en particulier. On va faire le tour du journal qui est en cours, qui est en kiosque du 14 décembre au 3 janvier 2010. Et puis, peut-être à la grande surprise de plusieurs, mais encore une fois, ce qui fait la une... La Fédération étudiante universitaire du Québec. La FEC. Oui, qui va peut-être devra être rebaptisée prochainement. Qui sait? Pas pour un mot vulgaire, quand même. Je sais pas ce que tu voulais dire. Mais quel mot vulgaire? Parce que j'ai vu sur Facebook plein de groupes genre qui disent un mot qui sonne comme... La FEC. Non. Qui n'est pas ce mot-là. Comme un certain animal polaire. Voilà. P-H-O-Q. Ben oui, c'est ça. Non, du tout. Mais en fait, c'est que, ben, malheureusement, ça se retrouve pas dans le journal, là, mais on sait que le comité du non a remporté le référendum. Avec une très très longue longueur d'avance. Oui, effectivement, 62%, je crois. Et un pas pire taux de participation aussi, je trouvais, 14%, c'est bien. 14%, le quorum devait être de 10%. 1302 étudiants ont voté. Ça a l'air petit dit comme ça, mais quand tu dis 14%, ça a l'air impressionnant. Mm-hmm. Mais bon, bref, ce qui fait la une, c'est ça. En raison des actions, disons, déloyales de la part de la FERC, Puis il y avait des règles qui ont été établies ici à l'université. Il y a eu une entente entre Marie-France Gagné, la directrice du service aux étudiants, Joanie Potier, présidente de l'AGE. Il y avait aussi une personne de responsable des communications. Bref, il y avait des règles qui avaient été établies. Puis malheureusement, la FERC ne les a pas respectées. Ça, c'est une parmi tant d'autres des actions déloyales qu'elle a posées, puisque le comité du non a reçu 30 plaintes. A posé 30 plaintes au comité référendaire qui était recevable, alors que de la part du comité du oui, il a été incapable de déposer une plainte qui était recevable. Alors, on voit vraiment qu'il y a un débalancement de ce côté-là. Mm-hmm. Alors, tout à fait. Voilà. Voilà. Il y a un bel article sur ça. Oui. La FERC transgresse les règles de l'UQTR. Et une très belle pesée aussi, une balance. Mm-hmm. Très jolie. En actualité, faisons tour rapidement du contenu de cette section magnifique d'actualité. Ben, on parle aussi d'un dossier qui est en branle présentement, mais qui est en voie d'aboutir. Peut-être on parle de septembre 2010, où est-ce que l'université reconnaîtrait l'engagement étudiant. On attribuerait 3 crédits aux étudiants qui s'impliquent ici sur le campus. Puis ça peut être même à l'extérieur du campus, mais pour un emploi qui n'est pas rémunéré et qui ne fait pas partie des associations étudiantes, je crois. Mais bon, bref, il va y avoir 3 crédits. Si les étudiants font près d'une centaine d'heures, ensuite, ils soumettent leur projet à un comité d'évaluation. Puis ensuite, plutôt que de faire un cours complémentaire, ils vont pouvoir obtenir 3 crédits pour ça. Alors, c'est très intéressant. Le projet est en branle, puis il y a des développements de ce côté-là. Malheureusement, je me suis informé ce dimanche auprès de Frédéric Desrues, qui s'occupe du dossier, et c'est fou, n'est pas compris dans ses activités. Du moins, pas jusqu'à maintenant, parce qu'on a des bourses, quelquefois. C'est vrai. Est-ce qu'on peut changer nos crédits pour des crédits à l'arcade? Tu sais, les talkins, les talkins de métal, ben oui. Ouais. Non, ça pourrait pas se bargainer ça, non? Faudra en parler à Frédéric Desrues. Ça existe ça encore, les arcades? Je sais pas. Au Bierman. Ça existe? Ah, oui. Ouais, à Shawinigan, tu sais, ça. Ah, pas. OK, ouais, jamais allé là. Moi non plus. Shawinigan, ça existe pas, cette ville-là. C'est un mythe du rock'n'roll. OK. Donc, toujours dans la section actualité du journal Zone Campus. Il y a eu une conférence de M. Robert Lidzer qui faisait la promotion d'un campus éco-durable. Alors, il soumettait certaines idées que l'université pourrait mettre en branle pour que l'université soit encore plus écologique. Déjà qu'elle est certifiée le campus université durable. On fait partie des 3 seules universités au Québec mm-hmm. qui ont été certifiées. J'étais là à la conférence. C'était excellent. Puis on avait des repas gratuits. C'était bon. Alors c'est ça, il y a un article sur cette conférence-là, M. Lidzer, qui est quand même une très grande renommée, qui était prof ici, chargé de cours à l'UQTR, qui a fait des études en Europe. Mais bon, il est venu faire une conférence sur le sujet. Ensuite. Enchaînons. Ben enchaînons, vas-y, je te laisse aller, moi. Je signe l'éditorial. Oui, de quoi tu parles? S'intitule une pierre deux coups, mais c'est en fait... controversé, tout ça, là. J'ai une question, moi. Oui, allez. C'est qui a pris ta photo? On dirait un professionnel. Mais c'en est un. Mm-hmm. Tout à fait. C'est le même qui t'a pris en photo, Monsieur Laramé. En tout cas, tu parais bien sur ta photo, Philippe. Ben, mieux qu'en vrai, hein, n'est-ce pas? C'est ça, c'est comme il dit que t'es vraiment pas beau dans la vraie vie. C'est pas fin, ça, Maxime. Ben, tu sais, qu'un gars me dise que je suis pas bien beau, ça me dérange pas vraiment, là. Il y a seulement une fille en studio, on va lui demander, non, c'est pas vrai. Verdict, Émilie! Quel est ton verdict? Comment rendre quelqu'un mal à l'aise? Tellement, j'aime ça au bout. Donc, toujours en actualité, plein de trucs. Là. Ton éditorial, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est que je me questionnais au départ à savoir pourquoi certains organismes, certaines entreprises vont donner à des œuvres caritatives. Est-ce qu'elles le font vraiment par altruisme ou bien est-ce pour obtenir une publicité, disons-le, presque gratuite, puisqu'elles vont obtenir des redevances en frais d'impôt, en crédit d'impôt? C'est créditable, ben oui. Mm-hmm. Tu peux aller à l'arcade avec ça. Aussi. Mais ça, je crois qu'on peut. Ça, je crois qu'on peut. Ouais, ouais, okay. C'est. On peut. Hey, t'as vraiment, vraiment... J'ai un argument massu, là. C'est béton. À noter sur la même page, un peu plus bas, je sais pas si vous vouliez, mais une belle photo avec Kiwan. C'est vrai, Kiwan. Oui. T'as l'air d'avoir les cheveux longs là-dessus. On dirait que j'essaie de copier quelque chose à côté, mais non. Sans te faire voir, mais malheureusement, je t'ai pris en flagrant délit. Effectivement. Oui, c'est ça. Ben, y a un article sur le débat référendaire entre le représentant du comité du non puis un autre du comité du oui. Et puis, ben, tout s'est déroulé dans l'ordre. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui est ressorti de ça, mis à part le comité du non qui disait « Non, on ne demeurait pas affilié à la FERC » et le oui qui disait « Demeurer affilié à la FERC ». Bref, ça tourne autour de ça. Il n'y a pas eu de point chaud vraiment qui est sorti du débat. Mais malgré tout, il y a un autre article aussi sur la FERC. Ça va vraiment pas bien. Il y a donc bien des articles là-dedans. Oui, c'est ça. Mais on a parlé en début de session de... un putsch, semble-t-il, qui avait été fait de la part de la FERC à la ETLUC, mais là, tout ça s'en va en cours. Alors, on sait pas trop comment ça va aboutir, mais bref, ça chauffe à la FERC. Bon. Donc, si vous voulez en savoir plus, lisez l'article dans la section actualité qui se retrouve en page 5 du Zone Campus. Puis oui. Si vous n'avez pas le journal, allez donc au zonecampus.ca. Oui, mais commencez par le trouver en papier. Ça se trouve assez facilement sur le campus d'université et un petit peu ailleurs à Trois-Rivières. Il y a comme toujours une section opinion qui suit l'actualité, toujours avec Marie-Noël Marino et Jean-François Veilleux. Oui, toujours de très bons articles. Allez les lire. Oui, dans la section Vox Pop, on demande que représente pour vous Noël en 2009. Ben, j'attire l'attention de tout le monde à la deuxième photo à partir du haut. On peut voir notre chroniqueuse Émilie Gauthier qui répond « Pour moi, Noël, c'est la surconsommation, c'est la fête des cadeaux et ça a perdu son aspect religieux. C'est aussi l'occasion pour prendre une pause. » Émilie, est-ce que t'es un fantôme? On savait pas. Oui, hein, j'ai comme pas vraiment de visage, je crois. T'as juste t'as des yeux. Mais qui a pris la photo? Pardon? Je me demande qui a pris la photo. Ben, si tu lisais le journal, mon gars, tu saurais. C'était écrit dans le coin. Mais c'est bien, ça cache la fin de session. Donc, on voit pas trop, c'est parfait comme ça. Mais étonnamment, j'ai été surpris quand même parce que les gens, c'est pas les cadeaux, c'est passer du temps en famille et surtout se reposer de l'université parce que là, la fin de session a l'air assez exigeante pour la plupart des étudiants. Et il y en a qui s'en rajoutent sur les épaules, comme Simon. Salut. Art et spectacle dans Zone Campus. Il y a comme un petit rire ici. Art et spectacle avec Daphné Charest et Mélissa Beaupré qui signent plein d'articles sur plein de sujets en art et spectacle. Oui, ben des spectacles qui ont eu lieu, disons, au début décembre. Alors, si vous voulez aller les lire, là, je ne sais pas si tu veux qu'on continue, si on a du temps ou si comme ça. Mais plus rapidement, mais on y va. OK, ben je peux parler de l'expo-vente biannuelle de la part des étudiants en art ici. Qui ont fait une vente la semaine dernière, toute la semaine dernière, et qui vendent leurs œuvres là-bas. Puis en même temps, ça permet de faire connaître le département des arts. Quelle bonne journaliste. C'est bien écrit, c'est bien présenté. J'adore les articles. Qui est-ce donc, cette journaliste? Mélissa Beaupré. Je l'adore. Ah, moi aussi, je l'adore. En tout cas, tous les jours. Faites le lien que vous voulez, mais ce matin, j'ai entendu une pièce dédiée à la copine de Simon dans l'émission du matin qu'il animait. En plus? La fille s'appelle Mélissa, justement. Ouais, Mélissa. C'est comme ça. Donc... Toujours en art et spectacle, il y a des expositions, oui, il y a des spectacles, oui, oui le Cœur de Pirate, entre autres. Le nouvel album aussi de Bio Bazar de Danny Janvier, animateur ici assez fou, de 11h à 13h, oui. Ça s'appelle évidemment le dîner de cons, parce que les gars sont sur l'heure du dîner et ils sont cons. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il y a une exposition à voir aussi, toujours dans la section art et spectacle, Emprise de Monique Pilon, ça c'est une des œuvres qu'on y retrouve. Voilà, je regarde ça, c'est beau ça. Ouais. C'est comme des truites. Et ça, c'est en plus, c'est une exposition. En fait, cette pièce-là, elle la remonte, l'artiste, à chaque fois, à chaque endroit qu'elle change. C'est pas une pièce qu'elle peut démonter, tout simplement. Elle visse chaque, on dirait des bananes, en fait. Là. Je trouvais que ça avait l'air des chacune truites. Chacune des parties. Des quoi? Des truites. Des truites. Ben oui, effectivement, ça ressemble à des truites. Mais je pense que la meilleure façon de savoir ce que c'est d'aller voir l'expo. Absolument, absolument. De lire l'article, premièrement, dans Zone Campus. Oui, ah, merci. Convergent. Tellement meilleur que moi. On termine avec les sports. Oui, mais si je peux y aller rapidement, en fait, le soccer c'est terminé. Natation, il n'y avait pas de compétition, donc on parle surtout de hockey. On parle de 4 matchs. Audrey Tremblay nous parle des 4 matchs des Patriots hockey. 3 victoires, 1 défaite. Malheureusement, les Patriots ont terminé sur une mauvaise note avec une défaite en prolongation contre les Ravens de l'Université de Carleton. Puis si je peux dire en terminant aussi, un journaliste au sport qui était là depuis près de 3 ans et demi, André Martin, qui nous quitte parce qu'il s'en va en stage, les études c'est terminé, mais il nous fait un peu un survol de son parcours ici aux Zones Campus. Chapeau André! D'ailleurs, je le dis en primeur, là, on pense beaucoup, même ça va se faire, je pense, au début janvier, on va retirer son calepin et son stylo dans le local du Zones Campus. Ouais. Ah, j'aime ça! Mm-hmm. C'est beau, on a beaucoup de place dans le bureau pour le faire. Et voilà! Donc, ça fait le tour du journal Zone Campus pour cette semaine. On rappelle que sur la couverture, si vous le cherchez et que vous voulez que l'œil soit attiré par ça, là, c'est la feuille qui est une balance. Ça attire le regard. Et oui, journal qui est là du 14 décembre au 3 janvier. Et c'est écrit Zone Campus dessus, donc on ne peut pas le rater. Disponible dans plusieurs kiosques à l'université et dans différents cafés du centre-ville. Merci, Philippe. Plaisir. Rédacteur en chef du journal Zone Campus, le prochain numéro sera en kiosque le 4 janvier. Numéro toujours aussi excellent. Ben certainement, ça va être volume 5, numéro 9, si je comprends bien. Mm-hmm. Si on suit les... Pourquoi tu ris? Non, mais on s'en fout des numéros. Ben je sais. Je cherchais juste quelque chose à dire pour passer à une publicité. On revient tout de suite à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou comme un balai. C'est 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, Merci Warren et Mathieu. Assemblage requis. Merci. Kiwan. Eh oui. Salut. Vous êtes encore à l'émission Assemblage requis, hein, en compagnie de tous les chroniqueurs qui ont participé à l'émission pendant la session. Les pièces. Toutes les pièces. Oui, les morceaux. Assemblés enfin. Dans la même émission. Enfin, je te jure, moi, je pensais que ça allait jamais arriver ce jour-là. Moi, je pensais qu'on avait juste un chroniqueur et que c'était juste une seule personne qui se faisait toutes les chroniques puis qui se portait une moustache. Mmh. T'as comme une mémoire de poisson rouge. Un peu. Le bocal est... Ouais. En dehors du studio, il n'y a plus rien qui existe. Absolument pas. Donc, avec tous les chroniqueurs de la session d'automne, vous êtes à Assemblage requis et on accueille quelqu'un qui nous a quittés en cours de route, mais par nécessité. Donc, on réaccueille François Landry et sa chronique politique. Le début est solennel. Bonjour. Salut François. Bonjour Mathieu, Kiwan. Salut. Maxime. J'oublie ton nom, Sébastien. Émilie. Excuse-moi, Sébastien. Je suis pas longtemps qu'on se connaît, disons. Oui, c'est vrai, j'ai dû quitter en plein milieu de la saison, à la mi-temps à peu près, à cause de la feuque. La FEUC, elle ne nous laissera donc jamais tranquille. Et oui, donc on était en référendum et comme j'étais l'attaché politique de l'association, c'est moi qui étais en égo pendant que les étudiants se consacraient au référendum. Donc c'est moi qui étais derrière tout ça. Pas derrière le référendum, non, mais derrière... Bref, en tout cas, je suis pas ici pour parler de l'AGE, je suis ici à mon titre personnel pour vous faire un bref récapitulatif de la session parlementaire, tant municipale, fédérale que provinciale. Ça se résume en un mot. C'était celle-là, le silence, parce que c'était extrêmement plate. Écoute, qu'est-ce qu'on a eu cette année à part les élections municipales, où que, bon, ça n'a rien donné, la chicane est pognée à l'hôtel de ville, on l'a vu hier avec l'adoption, la non-adoption du budget de la ville. Ouais. Donc, maintenant, un clash à Trois-Rivières pour ça. Shawinigan, ça va plus ou moins bien. Là, Michel Auger tire son épingle du jeu, puis bon, il fait sa petite affaire. Au fédéral, il n'y a pas eu d'élection, malgré nos pronostics que le gouvernement était pour tomber au premier éternuement d'un député. Ça n'a pas eu lieu, puis ça n'aura pas lieu du tout, parce que la chicane est pognée au Parti libéral. C'est à cause du vaccin pour la grippe, ils n'ont pas éternué. C'est ça, ils ont tous été vaccinés, c'est pour ça la vaccination. C'est pour ça que ça va bien. OK, là, je viens de comprendre. Merci, Kiwan, pour ta paranoïa. aussi, au provincial, qu'est-ce qu'il y a eu? Pas grand-chose, à part... Une chance que t'as arrêté ta chronique, toi, hein? Je sais pas ce que t'aurais fait. Écoute, je me serais débrouillé. Non, mais je t'avais promis, Mathieu, une fois... Oui, je me rappelle. ...de faire une chronique sur la langue de bois. Ça, c'est un de mes sujets que j'ai toujours apprécié de toi. Oui, parce que j'avais fait une chronique sur... Il aurait dû se la fermer cette journée-là. Pieds dans la bouche, etc. Les pieds dans la bouche, c'est ça. Puis les députés qui parlent sans vouloir rien dire, mais... Ferme-toi le... Le clapet. Exactement. Oui. Mais là, je t'ai sorti aujourd'hui les perles de la langue de bois à l'Assemblée nationale de cette année. Écoute, c'est... pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de bois, c'est un ensemble de procédés qui, par les artifices déployés, visent à dissimuler la pensée de celui qui y recourt pour mieux influencer et contrôler celle des autres. Ça veut rien dire dans cette définition. Clair, là. Déjà, ça, c'est de luxe comme une langue de bois, finalement. En clair, vous allez voir, je vais vous en énumérer 5 perles au provincial. Donc, Nathalie Normando, celle qui est ministre des Affaires municipales. Vous vous rappelez que Jean Charest avait lancé le plan Nord. Maintenant, on sait que c'est une démarche. Donc, elle explique la transition comme ça. C'est mobiliser les participants et puis voir de quelle façon on rend opérationnel un plan d'action qui va se traduire par un plan de développement pour, dans le fond, donner vie et donner forme à un engagement qui a été pris. C'est sa définition d'un plan à une démarche. Mm-hmm. On comprend rien. Non. C'est voulu, elle a été applaudie pour ça en chambre. Ensuite... C'est un peu comme quand tout le monde m'applaudit en volant d'une pièce. Personne ne le pense vraiment, mais c'est ça. C'est des applaudissements de bois. Ouais. Gérard Deltel, le nouveau chef de l'ADQ, à propos des vaches sacrées. Donc, nous sommes là pour réveiller la flamme, pour remettre en question les vaches sacrées du Québec. L'ADQ a toujours été le parti qui a eu le courage de brasser la cage, de remettre en question les vaches sacrées au Québec. Et je vous rappelle que nous sommes le seul parti qui a le courage, l'honneur et je dirais même l'enthousiasme de défendre des idées de centre-droit pour remettre en question les vaches sacrées au Québec. C'est quoi une vache sacrée au Québec? Mais il y a une très belle chevelure, par exemple. Ah, écoute, il serait photogénique à télé. Peut bien parler le mouton noir. Gérald Tremblay, maire de Montréal. Ah, lui, c'est mon préféré. Jamais je ne vais privilégier le statu quo. Je privilégie une stabilité évolutive et dynamique. Évidemment. Évidemment. Ben statu quo, on s'entend que c'est le neutre. Il n'y a rien qui se passe. Et lui, préfère une stabilité évolutive. Donc, on bouge pas, mais on progresse. Ben oui. on n'avance pas, mais on avance. Bernard Généreux, président de la Fédération des municipalités du Québec. Écoutez bien, c'est merveilleux. La métropole et la capitale, en synergie avec les régions, dans une approche gagnant-gagnant, dans la reconnaissance de nos apports mutuels, c'est notre force à tous. Wow. J'essaye, mais non. Gagnant-gagnant. Et je termine avec Yves Bolduc, notre ministre tant adoré de la Santé, à propos de la double négation. Ça, c'est vraiment une faute de français. Vous me direz ce qu'il veut dire, je ne l'ai pas encore compris. Je constate que, tout comme les experts qui m'entouraient dimanche dernier, le Collège des médecins conclut qu'il serait inexact d'affirmer que les résultats énoncés dans l'étude ne peuvent pas être traduits dans les diagnostics de cancer ou le choix du traitement. C'est pas une triple négation, quelque chose comme ça. C'est habituellement deux négatifs deviennent un positif. Ouais. On apprend ça en mathématiques. Donc, il n'y aurait pas de traitement pour le cancer selon ces experts avec qui il aurait consulté. Donc, ce serait pas faux de penser que ce serait faux de penser que ce serait pas faux de penser. Que ce serait... Exactement. Donc, c'est, ça se résume à ça. Ceux qui aiment la langue de bois, j'ai deux liens Internet à vous contacter, à vous communiquer, pardon. À nous licher. À nous licher, oui. C'est des générateurs de langue de bois sur Internet. Ah, pas vrai. Donc, tu peux te monter un texte toi-même. Si tu as un texte à une conférence à donner, un prix à remettre, donc tu te concoctes un texte en langue de bois. Donc, c'est le http://g.langue.de.bois.free.fr. Donc là, tu vas avoir des modèles... Oui. Tu vas avoir des adresses en haut. Et ça, ces adresses-là, c'est l'École d'administration publique de France qui les a montées pour se pratiquer. Et tu as différentes catégories en plus. Oui, hein? Monsieur. Donc, discours électoral, discours politique, discours patronaux. Dans les remerciements, tu peux même te monter un curriculum vitae. Tu remplis des cases vides et eux autres te font une lettre de recommandation. Wow. Donc, c'est génial. Et l'autre adresse, la plus récente et selon moi la meilleure, c'est www.présidentiel au féminin. -2007.net/générateur-de-langue-de-bois.php. Oui. Je vais les mettre sur le site assemblagerequis.com, je vais te les demander tantôt. S'il vous plaît. Et puis, dans le premier lien, juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire en 30 secondes, ils sortent un tableau avec quatre colonnes et plusieurs lignes. C'est l'introduction d'une phrase, ensuite le corps du texte et une conclusion à la phrase. Donc, on peut s'amuser. Donc, dans la première colonne, c'est toutes des introductions. Donc, madame, monsieur. La conjoncture actuelle doit s'intégrer à la finalisation globale d'un processus allant vers plus d'égalité. On peut la modifier. Je reprends les mêmes trois et je termine avec une conclusion différente. Madame, monsieur, la conjoncture actuelle doit s'intégrer à la finalisation globale d'une restructuration dans laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité, etc., etc. Donc, il y a des milliers de façons de fabriquer une phrase creuse si tu as quelque chose d'intelligent à dire. C'est fascinant. C'est fascinant, le monde de la politique, c'est... C'est un domaine en soi. C'est une bête. Ah, écoute, j'adore tellement ça, rien dire. Vraiment. En tant que co-animateur avec Kiwan d'Assemblage Requis, je voulais féliciter tous les chroniqueurs, chers collaborateurs, chères collaboratrices. Le long processus de promotion et de mobilité sociale doit conduire à l'obligation d'une nouvelle méthode de travail aboutissant à des économies d'échelle plus importantes. Je crois que ça valait la peine de le dire. Ah ben, de rien. C'est fort, Mathieu. Je te félicite pour avoir pensé. Vraiment, ça vient du fond de mon cœur. Oui. Non, c'est un discours patronal, celui-là, sur le site. C'est encore pire. Donné. Voilà. François Landry, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Mathieu. Un jour, on te reverra peut-être à Assemblage Requis encore. Ah, je suis toujours dans les corridors à flâner. Donc, aux toilettes. Oui, aux toilettes. souvent, là. C'est vraiment tout le temps là. Nos conférences au sommet se tiennent aux toilettes. Voilà. Vive le petit gâteau du milieu. Quand vous sentez une présence derrière vous, c'est François. Voilà. J'aime pas ça. Passons à autre chose. François Landry, avec ta chronique politique, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ça m'a fait plaisir, Mathieu. Merci. Joyeux Noël, bonne année. Toi aussi. Plein d'élections l'an prochain. Ah non. Oui. Comme à chaque année. Comme à chaque année. C'est bon. Kiwan? Oui, on continue? Oui, on va continuer après une seule pièce musicale, question de relaxer un peu et de remettre les choses en place. Vous êtes à Assemblage Requis où on reçoit tous les chroniqueurs de la session d'automne 2009. Tout le monde est autour de la table. Kiwan et moi, on est là aussi. Oui, on est là et puis je pense que Maxime a hâte de faire passer de la musique. Là. C'est vrai, hein? Je suis venu pour rien, moi. Il n'y a même pas de micro, hein? Faut qu'il prenne le micro de quelqu'un d'autre. J'ai pas de chaise, j'ai pas de micro, j'ai pas d'écouteurs. T'as une chaise de la chaise galerie, c'est quand même. Il est assis sur mes genoux depuis tantôt. C'est vraiment inconfortable. On écoute Royal Arch, voici Buisson Ardent. toi. Il était petit, il était vieux, il avait du poil dans les oreilles. Il y en avait-tu dans les narines? Je pense que oui, puis il y avait un chèque aussi. Oh, c'est pas pire, on disait de... Oh. C'est le moment d'applaudir. Là. Pas oublier, mais c'est parce qu'on parle qu'on arrête d'applaudir, hein? Avis de recherche? Pour la personne qui cherchait à voir Philippe Antaille. OK. Pour ceux qui suivent pas trop à la maison, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Aujourd'hui, on a tous nos chroniqueurs de la session d'automne dans le même studio. Enfin, on n'a qu'un seul studio. Émilie Gauthier, avec la chronique plein air. On a Philippe Antaille, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Ou... Ben... Après ça, il vient de me chialer que je prends trop de temps. Oui, vraiment, full humilité. Sébastien Dulude, avec sa chronique culturelle en quelques secondes à peine. N'est-ce pas? Simon Fitzbay avec Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. Yep. Maxime Lemularamé avec des suggestions musicales. Oui. Et là, tantôt, on m'a chialé un petit peu, là. Genre, arrête de parler pour rien, arrête de dire bonjour, puis salut, on devrait même pas mentionner le nom des pièces. Hey! Comment oses-tu remettre en question mon autorité? Je me sens visé. Ben, c'est parce que je te pointe aussi. Ouais, ça se peut. Normal. On n'a pas encore de caméra studio, donc je suis correct. Moi, je suis anonyme. Personne ne peut me reconnaître. C'est ça. Simanonyme. Exactement. Fitzbanonyme. Donc, oh. On va parler un petit peu de culture, encore une fois, avec Sébastien Dulude. Ben oui, mais faut danser un peu des fois aussi, hein, tu sais, hein, pas juste parler. Martin! Norvégien. Non? En profiter parce qu'en plus nos chaises rebondissent quand c'est vrai. À la radio, si je fais ça comme ça, est-ce que ça paraît que je sautille parce que ma voix comme elle sort du champ puis elle revient dans le champ puis non. Non, c'est le principe du flanger. The flanger. Sébastien, petit sujet culturel. Ouais, qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre What culturellement parlant? As-tu des idées à Trois-Rivières? Moi, vraiment, j'ai pas vu grand-chose. Toujours des trucs dans les bars, évidemment, ouais, mais côté temple. Spectacle, bien sûr, ben oui. Des places comme ça. Et par contre, à Shawinigan, il y a les frères Lemay qui sont vraiment sur une super lancée. Ces deux-là, Dan Lemay et son frère Michel, qui ont un nouveau projet, L'homme qui a vu l'ours. Ah, ils font les lancements de ça. Et là, c'est leur réveillon des frères Lemay à la maison, quoi, autour du diable à Shawinigan. Les frères Lemay, ça doit être excellent. Alors ça, je le suggère fortement. C'est sur la rue Willow. Donc, c'est bien sûr le 31 décembre. Là. Vraiment des gars de party, ça même. Ouais. Quand on veut voir en spectacle, même quelqu'un qui les connaît pas, je sais que moi, à chaque année, en tout cas, ça fait une couple d'années, je vais au Whitewood, chez Mike, chez Michel, à Saint-Boniface. Puis vraiment, c'est un petit festival où personne, quand on arrive, personne se connaît. Puis finalement, tu sors là, puis tu connais à peu près tout le monde. Ils sont vraiment très, très sympathiques. Beaucoup de métiers. Beaucoup, beaucoup de métiers. Ils ont le métier dans le sang. Le métier. C'est des membres fondateurs de l'Empreinte Galactique, La Menor Idea aussi. Ça, c'est Dan qui est de ce côté-là. Ils ont un paquet de projets À peu près toutes les bandes de Shawinigan touchent d'une façon ou d'une autre à les faire. Ouais. Elvis Versa aussi. Michel est impliqué là-dedans. Alors ça, c'est du côté de Shawinigan. Et maintenant, plutôt au nord, à Saint-Alexis-des-Monts, c'est les Sleepwalkers, qui sont vraiment fameux aussi. Gros orchestres sont nombreux. Ils font une espèce de swing. Alors ça, c'était à la microbrasserie de la Nouvelle-France. Donc, suggestion Mauricie, je prends ça du voir. Je vois pas grand-chose d'autre dans le secteur. Alors, j'ai fouillé un peu. Québec, il y a au Dagobert, Mononcle Serge et Anonymous, et qui en prend partie, Ultra Vomit. Ah, Ultra Vomit. Ils sont sur la salle rock du Maxime, premier étage. Maxime, t'es en retard, tu n'as pas parlé de Vomit. Okay. Ah non, ben, c'était dans ma prochaine chronique. Ben oui, hein. C'est ça. Alors, voilà, réveillons mon oncle Serge et Anonymous au Dagobert, le 31, bien entendu. Et du côté de Montréal, j'ai pas vu grand chose. On entend parler beaucoup du spectacle des Cowboys Fringants, au Centre Bell. Ouais. Ça m'a plus ou moins intéressé. Je suis comme, bon, qu'est-ce qui se passe cette année? Alors, j'ai dit, on va aller à la place pour casser le nouvel an à New York. New York, on arrive l'après-midi. Première chose qu'on fait, on va au MoMA, Musée d'art moderne de New York, et on va voir l'exposition Tim Burton. Donc, c'est la première exposition artistique consacrée à Tim Burton. Beaucoup de pièces, des dessins, des peintures, des photographies, maquettes, des storyboards, des poupées également, plusieurs inédits. En fait, tout ça, ça n'a été presque jamais montré. Et est-il utile de rappeler qui est Tim Burton, réalisateur célèbre de films? On parle de Edward Scissorhands, on parle de Beetlejuice, on parle plus récemment de... La mariée cadavérique. Oui, c'est ça, Sleepy Hollow, Big Fish, etc. Et c'est Batman. Aussi un très, très bon patois aussi. Eh ben, Tim Burton! Ah bon? Eh ben, Tim Burton, non? À force d'essayer, ça devient des modes. Et en soirée, on va manger quelque part. On tient pas loin de Times Square, évidemment, c'est là que ça se passe. Et à New York, on sait qu'il n'y a pas de Tim Burton. Oui, non, oui, il y en a à New York. Ouais, c'est sûr, c'est une hégémonie. C'est n'importe quoi. Ben, c'était pour la blague, là, mais bon. Et parmi les spectacles musicaux qui ont lieu à New York le 31 décembre, Los Lobos, oui. La Bamba, c'est sûr, c'est la dernière tune du show, là. C'est certain. Ensuite de ça, Patti Smith, qui est une légende du post-punk, quoi, plutôt New Wave, mais c'est du punk. Patti Smith roule depuis très, très longtemps, une incontournable. Il y a Mariah Carey au Madison Square Garden. Ben oui. J'arriverais pas ça, moi, Mariah Carey, une fois dans la vie. Fisher Spooner, également, au célèbre Fillmore à New York. Et Government Mule aussi, pour ceux qui aiment plutôt alternatif. Disco Biscuits, ça me dit rien, ça. Et Chris Botti, une légende du jazz actuel, un trompettiste vraiment très, très grand. Alors, à New York, ben c'est ça, mais je remarque aussi, ben évidemment, à New York, il faut chercher localement. Il faut prendre les petits journaux, tout ça. Mais il n'y a pas tant de choses que ça à faire un 31. Ce qui revient à dire, comme Philippe nous le disait tantôt, passer du temps en famille. Ben oui. Ou en chalet, ou suisse, ou... Norvégien. Sous. Sous. Sinon, même pour ceux qui sont tout seuls, qui sont pas capables de se faire une dinde, tu sais, Hungry Man, ils font une dinde avec de la farce à côté. Micro-ondes. C'est vrai, je le dirais jamais assez, c'est super bon. Tu as même des patates. Est-ce que c'est ça que tu vas manger pour le jour de l'an, Mathieu? Non, non. Je sais pas. Ça a l'air bon, c'est tout. Bon. Ça, c'est des suggestions. Suggestions de réveillon culturel. On parlera de d'autres sujets tantôt, il te reste encore quelques-uns. Peut-être une chose ou deux, ouais, les spectacles s'en viennent, mais c'est tranquille, franchement, là. Bon. Pas de bye-bye en plus, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tout le monde en parle, c'est bien beau, là, mais, tu sais. La petite vie, je pense. Ouais. Un spécial Noël, la petite vie. Ouais. Ils sont pas du tout en retard avec jouer avant Noël, ben, ça joue le 20 décembre. Quelque chose de genre. Il n'y a pas Dumas qui fait un spectacle le 31 décembre? Je sais pas où. Moi non plus. Il fait effectivement un spectacle, mais ça ne sera pas composé de pièces de Noël. Moi, ouais, j'espère. Ça va être juste de ses pièces à lui. Il va avoir le décompte là-dessus. Toutes ses pièces. La cuisine, le salon, tout va être. Ça tourne là. Oh. OK, moment inconfortable. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, en compagnie de Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Mais on n'est pas seul aujourd'hui, Kiwan, vraiment loin d'être seul. Même. Mais non, on est avec tout le monde qui a participé à l'émission, avec Émilie, Philippe, Sébastien, Simon et Maxime. Et même François est passé tout à l'heure, il est parti, oui. Parce qu'il était très occupé. Mais oui, vraiment, tout le monde est ici aujourd'hui. Et on pourrait continuer avec une petite chronique de Simon, je pense. Ben ouais, pourquoi pas. Simon Fidibé, sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead, rebonjour. Oui, rebonjour. De quoi tu nous parles cette fois-ci? Ben là, je suis fâché. Je suis fâché contre Nathalie Petrovski. Are you fâché? De la presse, oui, je suis fâché. Et en fait, je suis fâché depuis le mois d'octobre. Je retenais ça. En fait, c'est que le journal La Presse, puis le journal de Montréal aussi avait fait l'expérience un petit peu avant, ont demandé à un violoniste classique, Alexandre D'Acosta, d'aller jouer un peu de son art dans le métro de Montréal. Et donc, à exactement 15h20, le mardi 20 octobre, Alexandre D'Acosta s'est présenté dans le micro avec son Stradivarius datant de 1727. Et 1727, c'est l'âge d'or de Stradivarius. C'est là qu'il faisait ses meilleurs violons, des violons à 4-5 millions de dollars. Et donc, il s'est présenté, il s'est mis à jouer de la musique classique. Et c'était une expérience, en fait, pour voir si les gens allaient s'arrêter ou donner plus d'argent aux musiciens classiques qu'à un guitariste du style de Paul Piché ou des choses comme ça qui joue dans le métro, comme on les entend. Paul Piché joue dans le métro. Avant qu'il fasse son dernier album. Non, en fait, on l'aime bien, Paul. Donc, c'est ça. Il y a eu environ plusieurs centaines de milliers, en fait, plusieurs centaines, c'est-à-dire des milliers de personnes. On ne donne pas des chiffres. Ouais, c'est ça. On ne donnera pas de chiffres. En fait, j'en lis même pas dans l'article. Donc, voilà. Il s'est présenté donc dans le métro et il avait joué deux jours avant devant 1700 personnes à Séville, en Espagne. Et donc, c'est un violoniste reconnu qui joue partout à travers le monde. La raison pourquoi je suis déçu, c'est que j'avais trouvé un mythe qui avait les mêmes origines, en fait. Et c'est un mythe confirmé, c'est vrai. C'est Joshua Bell, qui est... Joshipou. Joshipou. Je l'avais.

Donc, parlons un petit peu de musique et de suggestions musicales. En fait, c'est un retour sur l'année 2009, si je comprends bien, en regardant les CD, ouais. Avec Maxime Lemularamé. As-tu vraiment enlevé le micro de mon co-animateur? T'sais, déjà qu'il disait pas grand-chose. Non, c'est lui qui me l'a donné. Il est tellement généreux, c'est un être de confiance. Ouais. Ah, ben c'est ça, la semaine passée. Tu l'as-tu dit quelque chose qui ben, il peut pas, de toute façon. Non, mais là, je voulais juste répliquer aux attaques gratuites de Mathieu qui en profite pendant que j'ai pas le micro. Mais bon, je te complimente. Que... Non, c'est bon. Oh, Colin. Key One. Tu me fais passer. Tout le monde a un micro. Bon, tout le monde a un micro. Bon, c'est rétabli. Voilà. Okay. Ben, c'est ça, la semaine passée, quand on était juste nous deux ensemble, tu te souviens, Mathieu? Quand vous étiez bien. J'ai que de bons souvenirs de ça. Quand vous étiez bien. Ouais. Non, mais tu sais, ça, on a un peu déconné, mais j'ai parlé des CD que j'ai aimés en 2008. Ouais, t'es vraiment à l'arrière-garde, comme tu disais. C'est ça, j'étais à l'arrière-garde parce que je trouve que des fois, on oublie pas mal des l'après-garde. Ben, des albums que qu'on fait jouer 2-3 semaines. Puis qu'on met de côté après. Alors, j'ai fait un retour sur des artistes de 2008. Et puis, cette semaine, bon, c'est pas mal des albums que j'ai aimés, mais dont j'ai pas parlé encore lors de la chronique. Alors, il y a l'album de Malajub, Labyrinthe. Ouais, c'est jamais vu, ça. Non, c'est ça, on n'en a jamais entendu parler. Malgré qu'ils viennent de sortir un maxi. Hein, alors, ça que je voulais en parler. C'est quand même le fun quand un artiste en deux albums longs sort un maxi. T'sais, ça fait comme un peu une suite. Pis, ils sont partis à une épicerie? Oh, moi qui m'empêchais de faire des jeux de mots avec Métro dans ta chronique tantôt. Là, tu me sors un maxi, c'est vraiment original. Ah, ok, non, ben, je vais t'expliquer. Un maxi, c'est un album court. Ah, un album court. On dit EP aussi. Ouais, c'est Mathieu qui m'a appris à dire maxi. Ça, c'est vrai, c'est plus francophone, maxi. Je sais pas pourquoi c'est plus francophone de dire maxi. Ben aussi, tu sais, personne comprend le terme quand tu le dis, fait que tu te sens comme vraiment privilégié d'utiliser un mot comme ça. Parce que le simple et le maxi. Ok. Parce que avec le Billboard, il faut pas qu'il y ait plus que deux pièces comme les vieux 45 tours. Mm-hmm. Alors, quand il y en a plus, le EP est devenu un maxi. Ok. Claude Raja disait ça il y a très longtemps. Ben c'est ça. On comprenait jamais ce qu'il voulait dire. Mais c'est ça. Mais lui aussi, je suis sûr qu'il était bien content que personne comprenne ce qu'il dit. Alors, dans le fond, un simple, un maxi, puis un album long. Et voilà, ben un album. Là. Un album, ouais. Un long jeu. Une chance qu'on n'ait plus avec les vinyles parce que t'aurais eu aussi les 12 pouces. Ah. Ouais, mais ils font des 9 pouces à cette heure chez Quiznos. Ben ils font. Je pense qu'il y a aussi des vinyles 9 pouces. Attention. Ah, bon, moi je voulais faire un beau petit jeu de mots. Bien essayé. Mais justement, parlant de l'album de Malajub, il est disponible en format vinyle. Ouais. Le maxi dont on parle depuis tantôt. En fait, ouais. Ça, ouais. Ouais. Il se fait sur pain aérien. Mon Dieu, c'est terrible. Donc, tu disais... Ah, c'est ça. Alors, merci. Ben moi, je l'attendais. Ça faisait quand même depuis 2007 que Malajub n'avait pas sorti d'album. Et puis, je l'attendais et on l'a reçu. Et je l'ai quand même... Labyrinthe. Ouais. Tu parles de Labyrinthe. Ah, là, je parle de Labyrinthe. Ouais, désolé. Alors, je l'ai quand même pas mal écouté beaucoup au début. Alors, je me suis tanné vite. Mais justement, tu trouves pas que sur le maxi, on écoutait l'autre fois la pièce Hochelaga. Ouais. Tu trouves pas que c'est la même mélodie qu'Ursuline? Non, c'est pas la même. Il y a peut-être un petit bout, là, un petit extrait qui ressemble à Ursuline. Là. Il se répète. Ben non, parce que là, je veux dire, Hochelaga, ça fait longtemps qu'il la joue en spectacle, puis c'est distinct. Là. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est du même groupe, hein, aussi. Ouais, ben oui. Avec les mêmes instruments. Et les mêmes notes. C'est ça. Alors, peut-être ma pièce préférée de l'album, 333, 333, qu'on va écouter tout de suite. Malajub, Labyrinthe. C'est ça. Dans le bloc. Ben, je le dis-tu? Je me sens pas vraiment dans mon bloc. Là. Ben oui, tout le monde qui me regarde comme ça, j'ai pas d'écouteurs. Ouais, dans le bloc, télécharge quoi? barre est comme vraiment en basse quand tu parles de Windows. Là. Et Linux, c'est comme pas le choix. C'est dans le sous-sol. Ouais. C'était Malajub avec 333 de l'album Labyrinthe. Tout à fait, très bon choix. Ça, l'album Labyrinthe, c'est pas mal le seul que je connais qui aime ça sur sa liste. Hein, c'est... Oh, Mathieu. Non, ah, c'est pas vrai. Non, faut, bien, faut bien en parler. C'est tellement bon. Ouais, c'est bon. C'est vrai. Donc, ça, c'était le bloc télécharge quoi pour l'instant. Il va y en avoir un autre tantôt avec Band of Skulls. Mais entre-temps, on accueille encore une fois Sébastien Dulude pour parler culture un peu. Bon, je pense que tout le monde a assez dansé. Oui, ça va faire. Sébastien, de quoi est-ce qu'on parle cette fois-ci? Ben, premièrement, pour faire un petit lien avec Maxime qui faisait sa rétrospective 2009, tantôt à 18h, c'est mon dernier Talmix de l'année et c'est ma rétrospective de l'année. Oui. Et là, j'ai choisi comme formule, vu que je fais une heure maintenant, une formule 10 top 10 avec des mentions. Et je faisais ça ce matin, je mettais dans l'ordre, c'est vraiment à computer ça toute la journée, puis toute la semaine même, puis aujourd'hui j'ai regardé ça, et ma position 1 et 2 sont québécoises. Ah, ah oui, quand même. Et c'est les deux seuls 10 québécois dans, dans mon top 10. Et c'est des albums de 2009? Ou c'est des albums de 2009. Okay. Ouais, des albums de 2009. Un peu dans ce que je fais, moi, bon, je joue plus... beaucoup de folk, d'avant-garde, de l'électro un peu, mais un peu avant-garde, hein, généralement, c'est pas rien de très, très connu, mais une fois de temps en temps, oui, là, quand il y a un incontournable, j'aime ça, mais moi, Malajub, ça faisait même pas le top 50 en ce qui me concerne. Ah ouais? Oh, ouais, j'étais curieux de l'entendre, parce que j'ai finalement bien aimé ça, le premier, mais le deuxième, ouais, c'est vraiment... Ça a l'air des restants du premier, je pense que aucune évolution. Je pense que tu parles du deuxième et du troisième, parce qu'il y a un premier aussi. Ouais, hein? C'est vrai, moi, je suis pas... Ça compte pas. Ça connaît compte ça. Pas pour ça. Non, mais moi, ce que je connaissais, c'était l'autre, le blanc. Le trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Avant ça, il y a eu le compte complet. Donc, on écoute ça. Etalmix, c'est aujourd'hui, nous, en direct, mardi à 18h. Oui. Il n'y a pas de rediffusion cette semaine, donc faites attention à ça. Écoutez-la vraiment mardi. Donc, si vous êtes... c'est vraiment ma révérence et je ne reviens pas l'hiver prochain. Donc, c'est un dernier Etalmix quand même important pour moi. Là. Je vais prendre une pause. Ouais. Et ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais, des fois, ça fait du bien, là. Prendre un petit congé pour revenir plus tard. Sinon, ça ne sera pas aussi bon. Il faut être disponible. Et j'en profite. On le Boxing Day, non? Ah, oui. Je vais parler de ça dans un instant. Mais j'en profite pour dire, si vous êtes à la maison, vous écoutez de la musique, vous tripez comme ça, appliquez donc faire une émission. C'est fou, c'est très simple. Je veux dire, on a de la place pour ça et on en reparle pas assez comme animateur. Mais je tiens à le dire, vu que c'est ma dernière qui s'en vient, c'est super de faire la radio à chaque semaine. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de rentrer dans une bulle, de focusser sur quelque chose et de communiquer. Et après ça, tu te fais croiser, tu dis, ah, c'était bon, j'écoute, je t'écoute en auto, je t'écoute ci, je t'écoute ça. C'est tellement intéressant et en même temps, tu fais ça comme seul en studio, une expérience fantastique de DJing. Et bon, on peut s'exprimer, on a toutes sortes de choses à faire. Tout à fait, il y a une grande partie de l'équipe ici qui ont déjà animé ou qui anime présentement et vous savez ce que c'est le phone. Et puis si vous voulez pas faire une émission, que vous avez pas le temps de le faire, au pire, une chronique, ça se fait aussi. Hein. Puis si jamais il n'y a pas personne qui décide de s'inscrire, ben moi et Mathieu, on va se séparer de tout le restant de la plage horaire à faire. Ça ben oui, ben bonne idée. Caroline, que t'es juste deux animateurs. C'est des vedettes maison qu'on appelle. Choisis président. Ouais? Ah bon. Frappeur de puissance. Attaque à 5, je sais plus. Alors, je vais changer mon Galloper. Sébastien. Trois suggestions dans les prochaines journées de spectacle à Trois-Rivières. La première, j'en ai parlé la semaine dernière, je le rementionne, c'est ce vendredi à l'Appart à 20h30, le deuxième concert de Feu de forêt dans le désert, avec un trio de folk, Mathieu, Robin et David, avec également M. Lemon, formation de Sudbury, Ontario, et Château. Formation shawinigaise montréalaise à trois, version à trois, d'habitude ils sont quatre. Ils sont récemment quatre, mais là, ils seront trois pour ça. Et Château, c'est bien bon, hein. Ça, c'est franchement, c'est peut-être. Ben, j'ai bien envie de découvrir M. Lemon. Alors, ça, c'est à l'Appart au centre-ville sur Saint-Antoine, toujours 45 Saint-Antoine. Entrée, 5$ seulement, 2 pour 1 sur la bière, 1 heure avant le spectacle. Donc, arrivé à partir de 7h30, il n'y a pas de problème. On vous accueille. Également, c'est jeudi à la Chasse-Galerie, troisième match de l'impro musicale qui en sont. Donc, alors, troisième match. Deux équipes costaudes s'affrontent et le Bleu, champion de l'année dernière, qui ont joué aussi en octobre, ont première victoire sans... Bon, quand même un match serré en octobre dernier. Je dis en novembre plutôt pour les Bleus. Et les Bruns, qui sont une formation expérimentée aussi, dont justement des membres d'Elvis Versa là-dedans. Donc, hein, gros match, celui de décembre. Super festif à la Chasse-Galerie, c'est rempli. C'est le party. Et l'impro musical, on sait le concept, c'est le public qui décide qu'est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce qu'il... On vote sur les meilleurs impros et on choisit l'issue du match. Et c'est gratuit. Dès 21h, jeudi, à la Chasse-Galerie, impro musical. Sur Facebook, faites impro musical 3R et vous accédez au groupe. Et dernier spectacle, ça c'est très particulier, c'est un spectacle multidisciplinaire live à la radio, assez fou, dimanche le 27 décembre à 21h pile, donc tout de suite après Clair Obscur, c'est l'équipe du HIC, le regroupement multidisciplinaire, le HIC, qui prennent les ondes et qui font un spectacle, musique électro, électroacoustique. Il y aura aussi du spoken word, on pourrait dire. On utilise les micros. On va également utiliser le téléphone, une webcam. Toutes les possibilités du format radio vont être utilisées pour faire une espèce de spectacle multidisciplinaire présenté par bloc, entrecoupé d'animations, de conversations. Tout ça, une belle ambiance festive. C'est le Boxing Day. Tout doit partir, même les meubles. C'est un show donc en direct à C'est Fou 89.1, dimanche le 27 décembre à 21h, mais c'est aussi retransmis toujours en direct sur Internet, c'est fou.ca. Et c'est gratuit. À la radio, gratuit, mais c'est révolutionnaire. Tout à fait. Oui. Alors, surveillez si vous voyez des licornes qui jouent de la guitare sur des affiches au centre-ville. C'est ce show. Et là, c'est ça le défi. C'est de, est-ce que les gens vont penser à s'intoniser un dimanche soir? Évidemment, il y a toujours des gens qui écoutent la radio, mais vraiment dire, ah, le show commence. Donc, au lieu de s'y rendre, il faut ouvrir la radio. Alors, ça va être assez intéressant d'avoir le feedback de ça. Les gens vont nous écouter comme chez eux, dans leur confort ou dans l'auto. Mais c'est vraiment un spectacle. Très, très bonne idée. Une autre idée du HIC. Donc, c'est dimanche soir. Soyez-y. C'est dimanche le 27, donc. Le 27. Fêtes, ouais. Le boxing de fin de semaine. Le lendemain du boxing. Boxing des musicales, électroacoustique, spoken word, impro, des surprises, webcam. Ah ouais, webcam. Webcam. Webcam. Yes, weekend. Alors, c'est une autre idée d'essayer d'innover au niveau des formats, des stratégies de création, mais aussi de diffusion, aller chercher des publics. Et là, aller chercher des publics à la radio. Ah, on connaît ça, la radio, ça va chez les gens. Exactement. Merci beaucoup, Sébastien Dulude. Un plaisir. Merci pour toute cette belle session. Ah, merci. Merci à toi, Sébastien. Toi, vraiment. Ah. Il y en a plein qu'on n'a pas applaudi, qu'on peut quand même continuer d'applaudir pour applaudir ceux qui sont partis entre-temps. François Landry, c'est bon. Ça a arrêté sec pour François Landry, mais... Ouais. Parfait. Mon ancien, c'était mon collègue, François Landry, l'an dernier, en plus. À la GF. Avec lui, ben oui. Ben oui. Évidemment. On va s'arrêter ici, prendre une petite pause pour terminer cette heure. On va devoir défoncer un petit peu dans l'émission. Key One, pauvre toi. T'es ben comme oui, la victime mais non, de tout mais ça. C'est une occasion spéciale aujourd'hui. C'est la dernière de la saison pour moi aussi à la dernière porte à gauche. Donc, c'est une émission spéciale, je pense qu'on peut dire. Courte. Ça vaut la peine. Ben oui, ça va être... C'est la dernière porte. La dernière. Wow! Restez là, vous êtes à Assemblage Requis pour encore un bon petit bout. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou comme un ballet. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Requis, même si le petit ID vient de dire jusqu'à 17h. Il est passé 17h, mais on est encore c'est là vrai. Parce que c'est l'émission spéciale aujourd'hui. Puis on se permet de déborder un peu dans la dernière porte à gauche parce qu'on est avec tous les chroniqueurs de la saison. Ils sont encore ici avec nous. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui. Yeah, on! Ouais, ouais, ouais. Comment? Qu'est-ce que c'est? Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de clap. Là. Ben oui. Là, je suis rendu tout seul, par exemple. Je suis tout le temps le même dans les shows. Je suis comme le dernier à arrêter d'applaudir. Non, c'est tout le temps moi, ça. On va pas au même spectacle. C'est ça. Philippe Portaillat. Oui. Rédacteur en chef du journal Zone Campus, toujours avec nous, entre autres. Oui. Je pense que c'est rendu pas mal le moment d'aller entendre l'Info Campus, mon cher. Je veux dire, à un moment donné, c'est toi qui fais ça, n'est-ce pas? Est-ce que t'as quelque chose d'intéressant à dire sur l'Info Campus? Donne-nous les nouvelles, donne-nous les résultats des nouvelles. Tu vas le faire live aujourd'hui, ouais. C'est ça. Ok, je fais l'Info Campus. Vas-y, fais l'Info Campus. Ben non. Avec l'intro et... Il est pas préparé. Non, mais je voulais voir qu'est-ce qu'il allait faire, comme s'il allait me voir venir avec ça. Moi, je trouvais ça super évident. Non, du tout. Eh ben. Non, mais tu veux vraiment que je fasse l'Info Campus? Non. Juste le faire présenter. Ouais, présente-le. OK, ben voici maintenant votre capsule Info Campus. Incroyable. Je suis bon quand même. Ben, regarde, ouais. Tu vois vraiment que c'est pas moi qui le fais, l'Info Campus? C'est un imposteur. Imposteur. Ben, j'ai engagé quelqu'un que je le paye à un coût très minime, puis c'est lui qui le fait à ma place. Ah. Mais ne dites-le. Dites faudrait pas que la personne responsable l'entende sur les ondes, par exemple. Voici votre capsule Info Campus. C'était votre capsule Info Campus. Oui. Moi, je trouvais que les traits de son visage étaient particulièrement beaux à la radio. Ouais, c'est ça. Ça a été coupé au montage. Ouais, c'est ça. Mais je comprends pas comment t'as fait pour que ça ait l'air aussi comme propre et droit ta chronique. C'était vraiment comme si tu l'avais fait plusieurs fois. Tu sais, ça n'a pas l'air monté. C'est pas moi qui l'ai fait. Ok, moi, je suis encore dans le joke que tu l'avais fait live, là, par exemple. Dans le joke que c'était pas toi qui faisais la voix. Ok, non, mais c'est parce que aussi j'ai des talents d'imitateur que je t'avais caché jusqu'à maintenant, mais là, maintenant, tu le sais. Je me produis en spectacle la semaine prochaine. Ben oui. Salle bon. Dans ton salon. C'est ça. Au Colisée, trop bien. Donc, Philippe Portaillat, ninja, imitateur, homme d'Info Campus. T'es ninja? C'est la personne. Je ne l'ai jamais dit. Philippe Portaillat! Ah. C'était le temps de lancer des shurikens tantôt, tu l'as pas fait? Non, moi, ma passe, c'est un peu comme Sub-Zero, je lance de la glace. Finish him! Eh bien, c'était pas vraiment comme ça. Donc voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux. Non. Un petit peu trop peut-être. Mais bon. Hey, les guimauves que tu nous avais promis l'autre fois, moi, j'ai jamais vu. Juste pour dire comme ça. Ah, mais ça, c'est comme Phil, quand on l'appelle, il promet peut-être de gagner 1 million de canards. Puis finalement, il n'y a jamais personne qui a gagné 1 million de canards. Fait que faut pas croire tout ce qu'il dit. Non, mais c'est parce que les guimauves, je les ai mis dans ton bas de Noël qui est sous ma cheminée. Oh! Là, ils vont tous être fondus. Et je veux pas savoir ce que tu fais avec tes bas d'habitude non plus. Vous êtes Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées, l'émission qui va trop loin dans ses jeux de mots et dans ses analogies miteuses, boiteuses. Moi, je dois dire à ma défense que je suis ici depuis 7h à matin. C'est peut-être pour ça que je suis douteux dans mes interventions. Pauvre Simon, comme tu disais, c'est un ultra méga marathon. Oui, mais j'adore ça, il n'y a pas de problème. Donnez-moi-en. On va se voir, nous, quoi, de jeudi. On va se voir demain aussi. Oui, demain, pour peut-être, si ça te tente, je t'invite à venir visiter. Merci. Et jeudi, en fait, je te laisse la barre de l'émission. Au complet. Oui, parce que donc j'ai un examen jeudi matin. Donc ça serait un petit peu bizarre d'animer pendant mon examen. Et on n'a pas encore les équipements pour amener un micro et des lecteurs CD dans les classes. Faire du remote en direct du P4. Avec Jean-Loup. Avec Jean-Loup. Ouais. Malade. Ce serait le fun de faire des remotes à un moment donné. Ben oui, au Festival Urbain, mettons, un été à un moment donné. Mais vous n'aviez pas fait ça, moi? Ben oui, c'est ça, je dis, on l'a fait. Ah, ben d'abord, pourquoi qu'on peut pas l'avoir, le matériel? Je vais y aller dans ma classe avec les micros. C'est de l'argent! Ah. C'est cher! Non, je vais en parler en ondes, je venais en parler en dehors, mais bon, on devrait faire un radioton. Ça vous tenterait. Ça a déjà été fait, ça aussi. Toutes les idées que tu m'as dit. C'est pas grave, on peut le faire pareil là, mais genre faire vraiment du 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Bon. Ça serait cool. Ben oui. 5 jours, j'aimerais ça. Non, mais j'aimerais ça faire de la nuit, moi. J'aimerais beaucoup ça faire du talk radio. J'ai animé à 11h la nuit, le soir. J'ai pas bien aimé ça. Ah, moi, ça me dérangerait pas. Je passerais à la nuit, là, vraiment. Tant qu'on me fournisse du café, on pourrait trouver des commanditaires, puis je le ferais. On pourrait faire un bed-in, là, mettre des matelas dans le studio. Ben oui! Okay. Là, tout le monde qui veut venir, tous les animateurs qui veulent venir peuvent venir coucher, genre, puis à un moment donné se lever et dire « Ah, ben, je vais prendre la relève. » Oui, un bed-in. Hein, Émilie? Oui, beaucoup de place pour mettre un matelas et demi dans le studio. On met tous pas pire, c'est pas la largeur, tant que la longueur qui est à couvrir. Ben, t'en trouves un très long, mais comme pas trop... Ouais. Non, c'est ça juste un... Ces deux. Ben, c'est parce que tout le monde pourrait se coucher un par-dessus l'autre. Ah! Oh! C'est pas moi qui l'a dit, celle-là. Je pense qu'on va aller réécouter Info Campus après ça. Moi, je vais pas me coucher sur... Excusez. Je vais pas me coucher sur Philippe Antaillot. OK, non, moi, je vais devoir censurer. Non. Je peux-tu faire un mec-tune? Maxime, il veut juste s'en aller. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Bon. M'en aller? OK, ben si tu le veux tant que ça, on va réaccueillir Maxime Lemieux Laramé et son blog Télécharge quoi. Bon, j'ai exagéré, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Ben, tu mets de la pression. Un peu comme toi sur Philippe Portaillat. Quand vous êtes couché un par-dessus l'autre. Ben oui, ça donne de la pression. Ouais, c'est ça, alors... Quand il y a des malaises comme ça, d'habitude, pendant ma chronique, je parle genre de musique. Puis ça vient tout ça règle. C'est un peu comme mettre l'Info Campus. Voici votre capsule, Info Campus. J'ai pas d'écouteurs, j'entends. Finalement, ça aurait peut-être été bien de terminer à 17h. On aurait pu aussi. Ouais. Ça a comme baissé d'un cran de qualité. Ah, mais non, mais ça, c'est comme les bonus du DVD qu'on va sortir. Ou plutôt du CD de l'émission. Ben oui, mais on va avoir une trame de commentaires. Là, ça va être hallucinamment proche. Ça va être cool. Les commentaires, ben, dessus, une émission de radio, ça doit être génial. Ben oui. Comme 3-4 affaires en même temps qui jouent. Le comité... c'était juste l'info campus. Okay. C'est un running gag qui a fait son temps, je pense. Non, moi, je la trouve encore. Sinon, on remporte finalement le référendum. C'est le gars que ça fait depuis qu'il est 5 heures, qu'il est debout, qu'il arrive. Ouais, c'est peut-être ça. Je pourrais faire n'importe quelle blague de pète et Simon serait vraiment en train de s'écrouler par terre. On perd toute notre crédibilité. Mais non, on a du fun! Ah, fait que c'est ça, le deuxième CD que je voulais parler aujourd'hui. Donc, je voulais parler aujourd'hui, c'est Band of Skulls. C'est un cadeau que j'ai reçu. Band of Skulls. C'est juste que je vois les autres rire et je comprends pas trop pourquoi. Moi non plus, je comprends pas. Mais Simon, il pleure! Fait comme Simon, ça. Attends, juste nous deux. Simon pleure. Attention. Oh, je pleure de rire. Je pleure de joie. Maxime. Ouais, c'est ça, j'ai reçu un cadeau. Band of Skulls. L'album. Oui, un cadeau. Ben oui. D'un ami. Mais pour vrai, Band of Skulls, c'est un groupe que t'aurais, un album que t'aurais acheté. Non, c'est un ça, peu, vraiment non, ça, pas. Avant ça, t'avais pas pensé. Ben, c'est ça, surtout le nom, là, ça m'attirait pas. Je trouve ça, ça sonne un peu... Oui, ouais, c'est exactement ouais. Le premier commentaire que j'ai eu. Puis même la pochette aussi de l'album fait un peu... Un peu speech. C'est quoi le titre de l'album? C'est Baby Darling, Dollface Honey. C'est la première parole dans la pièce Fire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai une question. C'est-tu bon, ça? Ouais, c'est bon. C'est d'un choix de Maxime, tu demandes si c'est bon. Écoute, ben non, Maxime. Mais justement, c'est pour ça que je l'écoute. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, puis dans le fond, il y avait. C'était Fires hein, qui était dans le palmarès. Oui. Fires l'était, et là, c'est présentement I Know What I Am. C'est ça. Puis comme je vous disais, là, il y a comme 4-5 autres bonnes tunes sur l'album, dont la pièce Hollywood Hole, hein, c'est ça que je voulais faire jouer. Hollywood Bowl. Bowl, ouais, pardon. Et, les boules d'Hollywood. Tu vas voir, Kiwan, ça me fait. Le début, surtout, me fait penser un peu à Creature. Creature. Creature, ouais. Mm-hmm. Alors, on va écouter ça tout de suite. C'est Band of Skulls, l'album. Dis-le donc, Mathieu. Baby Darling Dollface Honey. Wow. Ouais. Ah, je pourrais quasiment faire l'info campus. Du nom remporte finalement le référendum sur la. Allez, je le fasse. De toute façon, l'être qui? Au 89.1 FM. Oh yeah! To the Hollywood Bowl, I was wasted, she was out of control, so I said, well, I don't mind, and she's like, I

Donc, Simon Fitzbé, t'as fini tes émissions Album Classique et Krautrock, mais... Non. Lundi, le 21, je termine avec une rétrospective de Krautrock. La rétrospective d'Album Classique a été qui est diffusée hier et aujourd'hui à 14h. Ben oui. Et pour Album Classique, je vais vous présenter un album spécial de Noël. Très, très bon album. Bon. Mais on va écouter ça, comme toujours. Bon. Oui. Merci. Toujours. Et t'animes évidemment la pilule du lendemain, demain, mercredi. Demain, mercredi, à partir du 5 janvier, je serai là tous les matins avec Marc Perriard. Soyez-y. Oui. Bon. Ce qu'il nous reste à faire, je crois qu'il nous reste Maxime, qui nous reste... Ouais. J'ai dit qu'il nous reste comme trois fois, mais ouais, je pense qu'on a... Ben, dans le fond, le dernier album dont je voulais parler, c'est le groupe Handsome Furs. Alors, c'est une pièce qu'on va faire jouer à partir de MySpace. Ah! Ouais. Alors, d'accord. Dans le fond, pendant peut-être qu'on prépare tout ça, j'aurais aimé ça savoir toi qui one dans les artistes. Ben, au pire, tu me dis un artiste que j'ai présenté puis un artiste de ton propre cru que t'as aimé en 2009. Ce serait quoi? En 2009, tu vois, hier, on faisait à l'émission ici, on faisait un peu notre rétrospective 2009. Puis justement, parmi ceux-là, il y en avait qui provenaient de tes chroniques. Et entre autres, dernièrement, là, vraiment, là, dans les dernières semaines, tu nous as parlé d'un album qui est sorti récemment. Donc, qui est vraiment sur la fin de l'année 2009, qui va probablement avoir plus de... dont on va probablement plus parler en 2010 qu'en 2009. Mais l'album Concepts de Little Girls... Okay, ouais. Vraiment, c'est celui que je préfère ces temps-ci. J'étais déjà un fan de Japan Droids. Tu connaissais pas mal. Hein? Puis c'est ça, quand t'as parlé de Little Girls, ça me faisait penser un peu à ça. Et puis justement, en fin de semaine, j'ai découvert un groupe, je t'assure que c'est toi qui m'avais parlé de ça, qui s'appelle Many Mental Mistakes, qui était en spectacle en fin de semaine à Montréal avec Half-Baked. Je sais pas si tu as déjà vu Half-Baked en spectacle. Ouais, je les ai vus en première partie de Le Roi Poisson, ici à Trois-Rivières. Ah ouais, à Trois-Rivières, ouais. Pour vrai. T'as assez mon gars, il était deux. Ouais, il était deux. Ok, ouais. Avec le bassiste chanteur là. Ouais, ouais, qui intense. Fait aussi des sketchs de marionnettes. Puis en tout cas, c'était un spécial de Noël en fait cette semaine. Cool. Donc ouais, il y avait une petite mise en scène de Noël. C'était vraiment incroyable. Donc c'est ça, Many Mental Mistakes, c'est un peu dans le même style, je dirais, que Little Girls. Mais ouais, ça c'est un groupe que j'ai découvert en fait en 2009 que j'ai beaucoup aimé. Mais ça, je parlais de ça parce que justement. Sébastien m'a montré sa liste des artistes. Ouais, mais tu dis rien, là. Non, je dis rien. Puis je trouvais ça super intéressant parce que, tu sais, ça permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on a écouté. Puis toi, Mathieu... Oh, pardon. Ben moi, pour moi, il est sur la liste, c'est pas ce grave, je le dis. La découverte, c'est Them Crooked Vultures. Ouais. Parce que c'était bien attendu, très attendu. C'est le bassiste de Led Zeppelin, c'est le drummer de Nirvana, c'est le chanteur-guitariste de Queens of the Stone Age. Mm-hmm. Et j'ai pas vraiment aimé ça au début. Mais là, à un moment donné, tu reçois du monde... À maison, je mets ça, c'est du bon rock, tu sais. Il n'y a pas de grosse présence vocale, fait que ça dérange comme pas. Puis à un moment donné, je me suis mis à aimer toutes les tunes, mais vraiment beaucoup. Là, je dis, OK, j'aime ça, j'embarque. Moi, c'est le côté Queens of the Stone Age qui me plaisait moins, mais la rythmique de ça, là, ça, pour moi, c'est le groupe de l'année. Them Crooked Vultures. Puis toi, Mathieu, dans les choses que j'ai fait jouer dans ma chronique et puis d'autres trucs, qu'est-ce que t'as aimé? Tu m'en poses une motadine de bonne, toi. Tu sais que. Hot Chip qui vont sortir un album. Ouais, j'ai hâte. La surprise que j'ai ramenée. Sinon, que t'as fait jouer d'eau. Rien qui me vient en ce moment. Là. Hein? Quand Girl Talk, il avait pas aimé ça. Girl Talk, là. Non, ouais. Il avait pas aimé ça. Vaguement, là. Non. Non, sinon. Hockey. Oui, ben oui. Hockey. Ah, c'est ça. Ben, il y a plein d'affaires que t'as aimées qui sont retrouvées dans le palmarès plus tard, comme Islands, à un moment donné, t'en avais parlé, puis c'est fini dans le palmarès, puis j'adore ça. Tegan and Sarah, ben ça, évidemment, c'est. Je me suis mis à l'écouter pas mal en fait, semaine passée, puis là, vraiment, je l'ai dans la tête tout le temps. Okay, fait que, ouais, maintenant que tu me mentionnes des noms comme ça, Tegan and Sarah, certainement. Ok. Alors, on va aller écouter ça, Handsome Furs. Oui, la pièce Legal Tender. Ouais, c'est un groupe montréalais, dans le fond, c'est un des deux chanteurs de Wolf Parade qui a parti un side project avec sa copine. Alors, c'est Handsome Furs, la pièce Legal Tender. Cet assemblage requis avec toute l'équipe de la session d'automne. On revient avec la conclusion tout à l'heure. Oui, ben oui. Merci. Girl, don't wanna hear about kings and queens. ça finit bien. Oui. C'était vraiment. Legal Tender de Handsome Furs. Très bon choix. Oui. Dans ton blog, tu télécharges quoi? Sur l'année 2009 au grand complet. Ouais. C'était super cool là, d'être avec tout le monde comme ça. Ben oui, hein, t'es tout ému. Ouais, c'était vraiment cool. Cool. Merci, Maxime Lemulin-Ramé. À la prochaine. On te retrouve bientôt, en janvier. Ouais, c'est quand est-ce qu'on recommence? La semaine du 4 janvier. OK, ouais. Fait que je vais être là, je pense, le 7 ou 8, ouais. 4, 5, 6, 7, ouais. Le on 7. S'en fout de quelle date que tu recommences exactement. Tant que tu viendras être là, ça va être correct. Pour que tu sois là, là ça c'est ça. OK. Just be there. Bye. Be there. Merci, Maxime Lemulin-Ramé. On remercie les autres gens qui ont participé à l'émission parce que c'est pas mal la fin ici. Hein? Ouais, ben oui. En effet, tout à fait. Donc, qui est-ce qu'on mentionne? Est-ce qu'on y va dans l'ordre qui nous ont quittés? François Landry, avec sa chronique politique. Hein? Oui, qui est venu faire un tour, même si ça faisait plusieurs semaines qu'il n'était pas venu, mais il a quand même participé beaucoup à l'émission. Donc, ouais. Il est venu passer un petit moment avec nous tantôt. On le remercie. Aussi, Émilie Gauthier. Merci, Émilie. Mais ça fait plaisir. Bonne année. On se revoit peut-être plus la semaine du 10 pour moi. Ah, d'accord. Oh, mais au moins, tu reviens, c'est déjà ça. Ben oui, c'est sûr. On aurait dû faire ça en ordre de grandeur. François Landry aurait fini dernier. Non, mais on plaisante souvent. Mais pour vrai, merci les gars. J'ai réécouté mes chroniques depuis le début. Puis au début, c'était vraiment mauvais. Là. Bon. Ben, j'étais vraiment pas à l'aise. J'étais super gênée. Puis côté personnel, pour de vrai, ça a fait une grosse différence. Puis ben, merci beaucoup de merci m'avoir accepté dans l'équipe. Merci à toi d'être venu. Assemblage Rocky a des vertus, des valeurs thérapeutiques maintenant. Ben oui, ça vous semble, ouais. Des vertus thérapeutiques. Tellement. Sébastien Dulude avec sa chronique va voir ailleurs si j'y suis sur les sorties culturelles alternatives. Ça m'a fait plaisir. Merci d'être venu merci tout le long de la session. Est-ce que ta chronique va être de retour? Ouais, ou, tu fais plus d'émissions. C'est un projet, mais vraiment, j'ai un drôle d'horaire là, l'hiver. Okay, je vais voir ouais l'énergie que j'ai à mettre parce ouais que je fais pas les choses à moitié, moi. C'est vrai? Non, toujours. Non. Tant qu'à faire quelque chose pour il toi, faut c'est deux tiers. On va être ça, là, c'est non. Ouais. Philippe Antaillat, qui est le rédacteur en chef du journal Zone Campus, on le remercie aussi. Et lui est de retour en janvier. C'est pas toi, ça. Colin. N'importe quoi. Il va être de retour en janvier, lui aussi, avec sa chronique. Ouais, ben oui. Voici votre capsule Info Campus. C'est lui, ça. Merci, Philippe. Oui, merci, Philippe. Maxime Lemulin-Ramé. Ouais. On se revoit le 5, 6, le 7, hey, le 7. Son blog télécharge quoi? Simon Fidibé avec Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. Oui, ben, je vais être là la journée. On peut les lire sur Internet, tes chroniques, tu oui dire. Oui, sur mon blog, Un univers fait de platine. En fait, c'est les chroniques bon que j'ai faites aujourd'hui ne seront pas sur le blog puisque je ne les ai pas écrites. Mais dès janvier, on va retrouver ça et probablement les balados de diffusion de mes émissions. Là, hein. On va mettre un lien sur le site de C'est fou. Et déjà, il y en a un sur aussi le site d'Assemblage Requis. Donc, c'est génial. Merci de me l'avoir appelé. Plaisir. Merci à toi, etc. Plaisir. Kiwan? Oui. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Hey, ben, tu sais, je pense ben on a oublié Kiwan puis Mathieu. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances. Kiwan, on s'en va dans le sud. Ouais. on a promis plein de choses qu'on aurait dû faire dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, on n'a pas parlé de Martin Bertrand. Non. Et de Vidon dans la question non plus, mais c'est quand même des participants d'une certaine façon à l'émission. Tout à fait. On va se quitter avec une capsule sur les petites mythologies sur Noël parce que c'est très approprié. Et si on la joue pas aujourd'hui, on n'aura pas jamais le temps de la jouer. Donc, à la place de se quitter en musique, on va se quitter avec Martin Bertrand et sa chronique sur la culture populaire sur Noël. Parfait. Donc, on se laisse avec ça. Toi, Mathieu, on te retrouve quand même dans les palmarès le reste de la semaine. Mais on est là demain aussi. Oui, demain, on est là à Assemblage Requis pour une émission spéciale thématique avec nos meilleures entrevues, nos entrevues préférées. Oui, c'est ça. Toutes les entrevues de l'année. Pas seulement celles de l'émission Assemblage Requis. Il y en a quelques-unes qui sont d'autres émissions, mais les meilleures entrevues de l'année. On peut mentionner Vanessa Parietter, Marie-Pierre Arthur et sûrement Jésus Belge 400 livres. Un paquet de belles choses comme ça dans l'émission de demain. Ça, c'est demain. Soyez là aussi à 13h demain pour C'était fou en 2009 avec les meilleures pièces de l'année 2009 en anglais. Exactement. Et en francophone jeudi. Hein? Kiwan va suivre avec une version extrêmement écourtée de La dernière porte à gauche dans quelques minutes à peine. Oui, mais quand même, et ça va être suivi, hein, pour pas l'oublier, de la dernière édition de Etal Mix à 18h. C'est vrai, tout à fait. Ben oui, félicitations à vous tous. À très bientôt. Merci à tous les chroniqueurs. Passez de très joyeuses fêtes si on se revoit pas. Et puis c'est ça. Bye. Bye, Kiwan. Bye. Bye. Bye. Voici Voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. Noël. Noël s'avère sans doute la fête la plus importante de l'année, tellement que, souvent, les décorations d'Halloween sont à peine enlevées des magasins que celles des fêtes y font leur apparition. Le mot Noël vient de la transformation du latin natalis, relatif à la naissance, ayant en premier lieu donné le mot Naël, pour enfin prendre la prononciation qu'on connaît. On y célèbre évidemment la naissance du Christ, Dieu vivant du christianisme. La fixation de cette date remonte dans l'Empire romain d'Occident environ à la moitié du 4e siècle. Les autorités religieuses de l'époque, afin d'assurer une continuité avec les croyances ancestrales païennes, avaient aménagé le culte en le superposant avec les anciennes croyances afin d'assurer une transition et aussi de faire en sorte que le peuple s'y retrouve. Or, il faut savoir que le culte qui prenait de l'importance à Rome au moment de la montée du christianisme était celui du dieu Mithra, dont les célébrations de la Renaissance annuelle donnaient le 25 décembre, période où les journées commençaient à rallonger. On appelle alors cette fête le Sol Invictus, Soleil invaincu, qui marque la renaissance du soleil et, par la même occasion, des dieux solaires. Le dieu chrétien étant le Christ, c'est la date qu'on a choisie pour fixer sa naissance, les évangiles s'étendent-ils sur ce détail précis. Il est commun d'entendre parler des bons vieux Noël d'antan, et pourtant, la fête telle que nous la connaissons est arrivée relativement tard dans l'histoire du Québec. La fête la plus importante de l'année était, en fait, jusqu'au début du 20e siècle, le jour de l'an. C'est davantage à cette occasion que les familles se réunissaient et festoyaient. S'il y avait bien une messe pour marquer Noël, elle n'était pas forcément suivie des réjouissances qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est toujours au jour de l'an qu'on ressort les chansons folkloriques qui sont propres aux Canadiens français. Vous remarquerez également que la plupart des chansons de Noël sont des reprises de chansons américaines ou anglaises. Cela s'explique sans doute par le fait que ce sont les commerçants américains et canadiens-anglais qui ont apporté cette tradition afin de mousser le commerce. La tradition est partie des villes de Montréal, puis de Québec, là où les grands magasins se trouvaient pour se répandre dans les campagnes. Le clergé, voyant une occasion de supplanter l'importance du jour de l'an chez les Canadiens français au profit d'une fête religieuse, a apporté son appui aux commerçants dans la popularisation de la célébration nouvelle. Les symboles de la fête de Noël ont beaucoup gardé l'esprit de la fête païenne d'antan. En effet, les peuples païens avaient la foi en un temps cyclique, où les célébrations dans l'année servaient à marquer le fil des saisons. Mircea Eliade, dans Le Sacré et le Profane, explique que ces rituels avaient pour but de recréer les événements mythologiques sacrés et ainsi repartir la roue du temps, symboliquement. Or, la fête du 25 décembre correspondait au moment de l'année où les jours sont les plus courts. On allumait donc des feux pour appuyer les divinités solaires et ainsi les soutenir pour faire renaître la force du soleil. Aujourd'hui, on décore les maisons avec des guirlandes de lumière, ce qui renoue avec la tradition païenne. Ajoutons que le soleil étant le symbole de la vie et de la puissance de la nature, le 25 décembre, correspondant à son déclin, mais aussi à sa renaissance, on a choisi comme symbole de Noël un signe de transition qui montre que rien ne meurt vraiment, le sapin. Il s'agit en effet d'un arbre qui ne perd jamais son vert malgré l'hiver qui sévit. Sorte de preuve de vigueur qui rassure face au renouveau de la vie. C'était une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou.